Seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Salut à tous, on est La Jarry. Et tu sais quoi, si on s'en faisait une petite pour Albino? On écoute notre nouveau single sur Arc-en-Ciel. On n'a pas le choix dans Mavrika. On n'a pas le choix. Allez Mavrika. On n'a pas le choix. Être à découvert, on n'a pas le choix. Payer l'essence trop chère, on n'a pas le choix. Et rester solidaire, se lever trop tôt, on n'a pas le choix. Pour aller au boulot, on n'a pas le choix. Se dire que tout va bien, on n'a pas le choix. Prendre la vie comme elle vient, on n'a pas le choix. Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, vendredi soir, à partir de 19h tous les vendredis, depuis un peu plus de 11 ans, c'est l'émission Mavrika de 19h à 22h, et à chaque fois, vous savez, la signature de l'émission, c'est de présenter des artistes, des projets de la région orléanaise, mais pas que, hein. Il y en a qui sont venus de beaucoup plus loin, et d'ailleurs, la semaine dernière, nous avions ici, dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, nous avons découvert un chanteur qui est venu de Bayonne, il a fait 600 km rien que pour nous voir. C'est notre ami, maintenant il fait partie de Mavrika's Family, Max De Giovanni. Voilà. La semaine d'avant, nous avions reçu Noitol, qu'on a écouté en début d'émission, avec un morceau qui s'appelle It's Alright. Et on avait reçu aussi, le 14 janvier, c'était notre ami Jimo, qui était venu avec le photographe Pascal Garcia. C'est grâce à lui qu'on l'a découvert. Et on avait passé un superbe bon moment. La semaine prochaine, nous recevons ici, dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, un chanteur qui est déjà venu à plusieurs reprises. Il est venu au moins 2, 3, 4, je sais plus. En tout cas, Mourad sera présent. Il a encore de l'actualité. Et puis, je crois qu'il a envie vraiment de tourner parce que juste après les événements du Covid, eh ben, tous les artistes, ils ont envie de sortir et puis de faire des concerts. Donc, ça se décante un petit peu. J'espère que bientôt, ça va repartir comme avant. Et, mais en attendant, bon, dans l'émission Mavrika, tous les vendredis, nous recevrons des artistes dans nos studios. Le duo Trip Hop Roraima sera avec nous aussi le 25 février. Et après, il y en a d'autres encore. Ils n'ont pas encore décidé de leur date exacte, mais beaucoup de personnes veulent venir dans l'émission Mavrika, ce qui est très bien, puisque pendant un petit moment, vous le saviez, on diffusait beaucoup d'enregistrements. J'étais tout seul dans les studios à diffuser des enregistrements, parce que on ne pouvait pas faire les émissions dans les conditions normales. Voilà, maintenant c'est reparti, on va commencer à recevoir plein de gens. Donc si vous voulez venir dans l'émission Mavrika, n'hésitez pas à me contacter à travers le Facebook. Je pense que c'est la manière la plus simple. Vous cherchez Albino Mavrika et vous pouvez aussi nous contacter pendant l'émission. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir des petits j'aime, des petits messages bien gentils. En tout cas, vous pouvez nous écouter sur le 96.2 MHz dans la région orléanaise et sur le radio-arc-en-ciel.fr. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, tous les vendredis, nous avons des invités dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Alors c'est un groupe que j'ai eu l'occasion de voir sur scène et franchement, je suis vraiment content de les avoir ici dans nos studios pour qu'ils nous présentent leur projet. Et puis il va y avoir aussi un événement, il va y avoir la sortie d'un CD très bientôt. Alors en exclusivité aujourd'hui, on va écouter plusieurs titres et puis surtout on va découvrir tout leur univers. Il s'agit du groupe Turn Off. We'll be right back. Voilà, à l'instant, c'était le groupe Dirty Charlie avec Painted Black. Et juste avant, on a écouté aussi La Jarry avec On n'a pas le choix, et avec le petit clin d'œil de nos amis Benoît et David du groupe La Jarry, justement, pour l'émission Mavrika. Et on avait commencé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec un groupe que nous avons reçu il y a quelques semaines. Il s'agit de Neutol. Et le morceau qu'on a écouté s'appelle Night. Et it's alright, voilà. Ben on est dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, c'est la petite musique de fond pour qui indique que nous sommes avec des invités. Et nous sommes ce soir avec le groupe Turn Off et on va commencer à les accueillir. Bonsoir Turn Off. Bonsoir. Donc vous êtes venus à quatre parce que dans les studios on peut pas venir aussi nombreux parce que votre groupe est composé de sept personnes. Oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Donc je vais régler les micros au même temps au fur et à mesure. Alors ce qu'on va faire, on va aussi présenter donc tous les membres du groupe. Alors aujourd'hui, qui c'est qui est le plus bavard d'entre vous là, parmi les quatre qui sont venus? Un peu près kiff-kiff. Hein. À peu près kiff-kiff. Ah, allez, parlez à peu près, ouais, plus près des micros, parce que apparemment vous êtes assez loin quand même. Voilà. Donc, on va commencer. Qui c'est qui commence à se présenter? Moi c'est Benjamin, donc Ben. Benjamin. Je suis guitariste depuis le début du groupe et puis qui compose pas mal, donc guitariste et puis qui hurle un petit peu dans le micro, moi, plus qu'ici en tout cas. D'accord, très bien. moi c'est Marie-Angèle, donc je suis la chanteuse du groupe Turn Off, que j'ai rejoint aussi à la création du groupe en 2017, et puis voilà, je les supporte tout au long de l'année. D'accord, et t'es pas la seule fille hein, du groupe. Non, hein. non. Voilà. Ensuite Moi c'est Rino, tromboniste et aussi parolier du groupe. Ouais, parce que ce groupe-là, il y a des cuivres dedans, et ça c'est vrai que c'est super agréable sur scène. Et en plus, je sais pas si vous connaissez le groupe juste avant, c'était Dirty Charlie. Oui, oui, on les connaissez aussi. Oui. Bon, il y a aussi des cuivres et c'est vrai que ça envoie. Et c'est vrai que c'est pas facile toujours de marier le rock avec les cuivres. Sauf que vous faites aussi du ska, un peu comme eux aussi. Tout à fait. Voilà, c'est la recette, hein, je pense. Hein. Je pense que vous avez bien saisi. Très bien. On se tutoie dans l'émission Mavrika. On a toujours tutoyé tout le monde. Donc, on peut avoir de 7 à 77 ans, même plus. Hein, on se tutoie. Hein, voilà. Okay. C'est une manière d'être plus proche. Ensuite, la quatrième personne ici présente. Et Antonin, le batteur. Antonin, le batteur. Pas depuis l'origine du groupe, mais depuis les premiers confinements. D'accord. Et on va aussi présenter ceux qui ne sont pas là ce soir. Tout à fait. Mmh. Pour l'autre fille qui fait partie du groupe, il s'agit de Nénette. Ouais, qu'on a déjà reçue ici. Oui. Avec les Marmouse Garden. Tout à fait. Voilà, très bien. On les connaît depuis pas mal de temps. Ils sont venus au moins deux fois ici dans les studios. Ah, bah, très bien. Donc voilà, Nénette, ça fait plaisir. C'est grâce à elle aussi que vous êtes là, puisque c'est elle qui avait permis de préparer un petit peu l'émission. Exactement. Ouais. Et ensuite, on a Jérôme. Au trombone. Oui. Et Charles à la basse. Voilà, donc 7 membres sur scène. Donc les petites scènes, c'est un peu compliqué. On arrive toujours à se débrouiller, on se sert un petit peu. Et puis, c'est plus calme que d'habitude, quoi. Mais bon, on arrive quand même à peu près. On arrive à jouer tant bien que mal. Très bien. Vous avez commencé à dire que le groupe s'était formé en 2017. C'est ça. Donc c'est un groupe assez récent quand même. Hein. C'est... Oui, oui, oui. Quoique, déjà. Ben, ça commence à faire un peu, hein, mine de rien, 2022. Ça commence à 4-5 ans, voilà, c'est la cinquième année. C'est-à-dire que le confinement, ça compte pas les deux années où on n'a pas pu trop jouer. C'est vrai que là, ça a été un drôle de truc quand même. Hein. C'est la première fois que je vois ça de ma vie. Je pensais même pas qu'on pourrait vivre quelque chose qui dure aussi longtemps, puisque ça fait déjà 2 ans. Hein. C'est ça. Et puis on espère que ça va se décanter, parce que là, on commence à voir des concerts qui se font. Bon, maintenant, ils tolèrent aussi les concerts debout. Donc quelque chose qui est à un moment des concerts assis, c'est un peu compliqué. Hein. Après, il faut toujours avoir le masque, il faut toujours faire attention avec les distances et surtout, il faut aussi le pass vaccinal. Tout à fait. Mais bon, ça commence à se faire dans ces conditions-là. J'espère que bientôt, on pourra enlever le masque et puis voilà, j'espère que on ça va passer. On garde espoir. On garde espoir, voilà. Très bien. Je vous avais vu, donc moi, c'était au son des blés, c'est ça. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà. Avec Skawax, si je me souviens bien. Ouais, Skawax, c'est aussi. 2019, ça. Je crois bien. Ouais, oui, ça commence à remonter. Ça, hein. Oui. C'est vrai que depuis, il n'y a pas eu grand-chose non plus. Hein. Donc, ça fait partie quand même des derniers concerts que j'ai pu voir, moi, en tout cas. Et peut-être que vous avez pu faire aussi. Non, on a réussi à jouer quand même. Ah, vous avez réussi à jouer. On a réussi à jouer quand même pas trop mal. Ouais, on fait partie comparé à pas mal d'autres groupes, on a quand même tourné un petit peu ces deux dernières années. Mais bon, c'est compliqué. D'accord. Pour les dates qui s'annulent, qui se reportent. Ouais, ça. Quand elles sont reportées, encore on se dit bon, on a un espoir, mais des fois c'est complètement annulé et puis voilà, il y a plus d'espoir derrière. Très bien. Le groupe s'est formé en 2017 c'est et comment est venue l'idée de former un groupe justement? Alors ça, c'est... qui était là à l'origine? Ça s'est fondé en fait avec Renaud qui est là donc au trombone et notre ancien bassiste. Et en fait, on jouait dans un autre groupe qui s'appelait La Bonne Excuse, qu'on venait d'arrêter. Et du coup, nous, on voulait remonter un autre projet. Et du coup, on a donc repris pas mal d'anciens icos de ce groupe-là. Et on a recherché donc une chanteuse et un batteur. Donc Marie est arrivée directement. Et puis bah, après, on s'est mis un an pour composer un set non-stop, pour avoir une heure de set. Et puis on s'est lancé directement au concert. Donc vous êtes un groupe de composition, hein? Oui. Est-ce que vous refaites quelques reprises de temps en temps? Aucune. C'est vraiment, pas pour le moment. C'est vraiment votre essence, c'est vous qui avez construit les morceaux et c'est les morceaux que vous interprétez, c'est ceux-là. Quoi, voilà. C'est ça. Très bien, bah, super. Voilà, parce que c'est vrai que souvent les groupes, il y a beaucoup de groupes qui commencent par des compos, par des reprises et avant de revenir aux compos, il se passe un certain temps et petit à petit ils commencent à se trouver un petit peu. Vous, c'est directement, vous aviez envie de faire vos morceaux à vous? Oui. On s'est enfermé pendant un an en studio non-stop justement pour se dire on sort un set juste à nous et tant qu'on n'a pas une heure de set, on sort pas du studio. D'accord, disons, ça a été, vous en voulez, hein. Bah, c'est ce qu'il faut, hein. De toute façon, hein, si on veut vraiment obtenir quelque chose, il faut se donner aussi une date butoir en se disant, voilà, on va travailler, il faut qu'on arrive à ça, et ceci, cela. Même si après on dépasse un petit peu, mais bon, ce qu'il faut, c'est aussi... On n'a pas trop dépassé. Un peu de rigueur, ça fait pas de mal. Les morceaux, comment vous les composez? C'est d'abord la musique, d'abord les paroles Alors ça dépend, en fait, ça peut être dans n'importe quel sens, on va dire. Renaud peut écrire un superbe texte et du coup on trouve une mélodie de chant dessus, on compose après instrumentalement une structure, ou alors on peut partir d'un bœuf sur lequel on va poser une mélodie de chant, Renaud va trouver des paroles, enfin voilà, ça dépend vraiment. Il n'y a pas de recette, quoi. Ouais, non, chaque compo est différent. Du moment que l'idée est bonne. Ouais, bah c'est ça. Et puis des fois, ça peut être aussi lors de répètes, vous faites une petite variante et tiens, c'est pas mal, on va le retenir pour la prochaine fois et ainsi de suite. C'est comme ça que ça se construit. Donc c'est vraiment quelque chose de collectif. C'est ça. Il n'y a pas quelqu'un qui... Non, il n'y a pas un compositeur. Et pour les paroles, c'est pareil? Alors les paroles, c'est quand même exclusivement Rino. D'accord. Alors les paroles, justement, quels sont les sujets qui sont abordés dans les paroles? C'est quand même des sujets sérieux ou c'est des fois de la bonne rigolade ou... En fait, il y a de tout. Non, il y a de tout. Il y a de tout. Après, voilà, on a voulu en fait partir un petit peu sur le côté un petit peu journal télévisé. En fait, les fameuses actus qui arrivent au jour le jour. Bah, depuis un petit moment, il n'y avait rien d'autre que le Covid. De toute façon, oui, pendant deux ans, on nous a parlé que de ça. Mais on n'a pas fait de chanson sur le Covid. D'accord. Contrairement aux autres. Non, on n'a pas voulu. Ouais. Vous n'avez pas voulu. Donc, ouais. En même temps, ils nous ont tellement bassiné avec ça que bon, voilà, on avait peut-être envie de parler d'autre chose. Hein. Oui, oui. Et puis voilà. Après, c'est les idées des uns, les idées des autres. Voilà. Sujets qui nous touchent aussi. Voilà, des sujets qui nous touchent. Voilà, tout plein de... En fait, je suis très ouvert. Et puis après, j'écris, mais je demande surtout l'inspiration des autres. Enfin, voilà, s'ils ont des idées, s'ils ont envie d'apporter quelque chose, s'ils ont écrit quelque chose, ils ont griffonné sur un bout de papier, qu'ils me le donnent pour essayer qu'on trouve un texte ensemble qui soit... qui fonctionne. Mmh. Et puis qui nous plaisent. Voilà. Donc, est-ce que c'est arrivé des fois que tu amènes une idée avec des paroles faites et puis finalement ça plaît pas au groupe, ils disent non, ça on n'a pas envie d'en parler? Bah, bien sûr. Bien sûr, c'est arrivé. Bien sûr. On s'empêche pas de l'envoyer chier quand il faut. Hein, ça. Voilà, donc, oui, ça c'est des choses qui peuvent arriver, mais la plupart du temps c'est quand même bien accueilli ou. Ah bah non, mais c'est toujours bien accueilli, ouais. même si il y a un refus, je comprends tout à fait, enfin voilà, après c'est pas forcément l'idée. Après on est sept, ce qu'il faut se dire c'est que en fait quand on fait de la composition à sept, c'est tout de suite très compliqué. Bah oui, parce que les opinions divergent et du coup c'est vrai que il y en a qui qui peuvent être vachement emballés par le projet, enfin par le projet de la composition, et il y en a d'autres à qui ça peut pas forcément parler parce que c'est pas des choses. Enfin voilà, donc du coup c'est d'arriver à trouver des après, sujets qui. Enfin. Après très souvent quand Renaud écrit un texte, il nous demande, enfin une fois avant qu'il se mette vraiment à l'écrire, il nous parle du sujet déjà, voir si ça vaut la peine qu'il écrive vraiment quelque chose là-dessus ou si c'est bon à mettre à la trappe. Quoi. Mmh. Il y a des sujets qui passent bien, je suis sûr que vous avez des idées que tout le monde a les mêmes idées, plus ou moins, mais il y a des fois des trucs où tu dis non, ça on n'a pas envie d'en parler, ou le sujet, oui, ça arrive. Dès le départ, le sujet ne convient pas. Oui, ou des sujets trop bateaux, trop employés. Mmh. Donc ouais. Comme le Covid, par exemple, on était tous d'accord pour ne pas faire une chanson là-dessus, c'était notre décision, voilà, c'était unanime. Donc voilà, je pense que le plus important, c'est d'être vraiment d'accord à chaque fois et de s'entendre et de se comprendre. Et... Oui. Et justement, les morceaux qui ne conviennent pas, tu les mets de côté, puis ça peut servir plus tard. Et ça peut servir plus tard, voilà. Je leur ressortirai peut-être dans 10 ans, et peut-être que dans 10 ans, ils aimeront. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Voilà, très bien. Donc voilà, on voit déjà comment vous faites pour composer vos morceaux. Alors vous avez combien de morceaux aujourd'hui? Vous êtes capable de tenir une scène pendant combien de temps? Des compos depuis l'origine du groupe, on doit en avoir pas loin de 20, si je dis pas de bêtises. Après qu'on joue sur scène, il y en a une quinzaine. D'accord. On joue vraiment sur scène actuellement. Il y en a qu'on a mis de côté parce qu'à nous représenter moins maintenant, surtout musicalement. Donc il y a des musiques qu'on a mis un peu de côté, sinon oui, en général on fait un set d'une heure, une heure et quart, à peu près. Donc une quinzaine de compos. Comment vous avez fait pour vous rencontrer déjà? Comme parce qu'un groupe, 7 personnes, ça se fait pas comme ça. Ouais. Comme je te disais, il y a déjà à peu près 4-5 personnes du groupe dans lequel on jouait avant. Mm-hmm. Donc du coup, fatalement, c'était quand même assez direct. Après, c'était souvent des personnes qui étaient autour du groupe. Donc du coup, on côtoyait, puis arrivé là, tiens, tu joues de la basse, ça te dit, on fait un peu de musique ensemble et puis on voit ce que ça donne. Mm-hmm. Donc c'est à peu près ça l'idée. D'accord, et vous êtes tourné vers votre style à vous, avec des cuivres. C'est du ska, mais pas que. Oui, il y a du rock, il y a de la funk. Il y a de la funk. il y a plusieurs petits styles musicaux, hein, on peut dire ça comme ça. Et chacun a apporté un petit peu son style et a composé l'essence du groupe où il y a quelqu'un qui dirige quand même, en disant voilà, c'est plutôt ce style-là qu'on va se tourner, le prochain album il sera plus comme ça. On est très ouvert enfin là-dessus. Si il y en a un qui a une idée ou une autre, enfin voilà, ou qui a écouté quelque chose qu'il aime bien, il nous fait écouter et puis on essaye de voilà, après on se lance dans cette direction. Ouais. Non, généralement. vous analysez pas, ça vous plaît, hop, c'est bon. Voilà. Après, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est quand même tous super ouverts d'esprit, musicalement parlant. Même qu'on fasse des morceaux un peu plus doux que d'autres, on n'a pas vraiment de style spécifique. Quoi. On est ouvert vraiment à tout, du moment que le morceau semble pertinent, qui nous parle, qui dégage un petit peu d'émotion. Enfin, voilà, si ça nous botte, allez, c'est parti. Mm-hmm. Après, on a une plus grande facilité, on va dire, à composer dans tout ce qui est à peu près ska et punk rock. Ouais. Après, si, comme on a fait une chanson folk, si on a quelque chose qui nous inspire et qu'on trouve qui sonne bien, banco, on cherche pas beaucoup plus loin, en fait. On cherche pas forcément à s'enfermer dans une case. On a un style qu'on aime bien, donc on joue ça, mais après, si jamais il y a d'autres morceaux qui nous plaisent aussi à côté, on ne s'empêche pas de les jouer pour ce projet-là. Mmh, très bien, il ne faut pas s'enfermer, justement. C'est bien de découvrir plein de musiques différentes. Puis c'est vrai qu'on a tous une attirance vers un style de musique, mais des fois, en écoutant autre chose, on peut prendre beaucoup de plaisir. Donc c'est ce que je conseille souvent aux auditeurs, c'est d'aller aussi au concert et puis aller voir les gens, même si on ne connaît pas le groupe, même si ce n'est pas tout à fait notre style. Des fois, on passe un très bon moment, et puis après, on se dit, tiens, justement, ça nous ouvre un peu plus, et on a envie de découvrir plus de choses différentes. Je propose qu'on écoute un premier morceau du groupe. Alors ce morceau, on va l'écouter d'abord et puis on en parle juste après. Pas de soucis. C'est parti. Mmh. cramer des habitations à Paris ou les mosquées. Hécatombe à 8 ans, tu posais des bombes prêts à mourir pour tes idées, pour ton jeu ou pour un sommet. Tu t'en fous si la vie est triste, on te déploiera. Vie d'artiste, t'as rien à faire, tout à gagner en fixant des bombes pour sauter. Notre combat, des gens complètement ravagés, rongés par des idées hachées. Ne t'inquiète pas, si les autres, il est en toi, c'est de ta faute. Impossible pour les compromis, tu vis mes idées sans nos ennemis. Alerte, attentat, tu n'as pas fait le bon choix. Alerte, attentat, la riposte ne t'en fout pas. Alerte, attentat, tu n'as pas fait le bon choix. Donc le premier morceau du groupe Turn Off, invité de notre émission numéro 496. On s'approche de la 500e, hein, tout doucement. D'ailleurs, on peut commencer à voir, j'ai pas regardé tout à l'heure, mais je me souviens plus quel groupe sera là pour la 500e. En tout cas, bon, là pour l'instant, on est encore en mode un peu restriction avec le Covid, mais on compte bien fêter ça dans quelques temps, puisqu'il y avait aussi les 10 ans l'année dernière de l'émission Mavrika, qu'on n'a pas pu fêter, effectivement, mais bon, dès qu'on pourra, il y aura le Mavrika Live numéro 12 qu'on commence auquel on commence déjà à penser, et puis on vous tiendra au courant dès que ça sera possible. Pour l'instant, on est encore en stand-by, hein, voilà. On revient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour parler un petit peu du titre qu'on vient d'écouter. C'est Alerte Attentat, donc c'est le premier morceau qu'on écoute du prochain album qui va bientôt sortir. C'est ça. Alors il va sortir quand, cet album là normalement courant mars, là il devrait partir en pressage dans le mois. D'accord. Donc courant mars, il devrait sortir en CD et en vinyle plus tard, puisqu'il y a quelques petits problèmes avec les vinyles de passage. Ouais. Effectivement, ils n'arrivent plus à avoir la matière première, je crois, oui, c'est ça. Il y a eu un problème avec la matière première, donc pour les primo, il y a eu la matière qui augmente là. Donc les prix des vinyles ont un petit peu flambé, plus les délais, plus il y a eu des maisons, des majeures compagnies qui ont fait un peu des embargos sur les usines de fabrication. Donc du coup les délais de fabrication, c'est entre 4 et 6 mois ensemble. D'accord, donc pour l'instant il y aura le CD, on pourra aussi l'écouter sur internet, je suppose, sur toutes les plateformes normalement il va être disponible. Alors comment il va s'appeler cet album? Déchaîne-toi. Donc, ah oui, j'ai vu déjà l'affiche, la couverture du CD, il y avait écrit « Déchaîne-toi ». C'était même, je crois qu'il y avait un petit jeu de mots « D » et plus loin « chaîne », vraiment, tout à fait. Pour accentuer encore plus le fait le côté, comme on parlait tout à l'heure, côté actualité, télévision, voilà. Mmh. Ok, donc alerte attentat, ça parle de quoi? Des attentats? Tout à fait, ça parle des attentats, mais voilà, des attentats qu'on... Enfin, on a tous été plus ou moins touchés par les attentats comme... comme le Bataclan, etc. Tout à fait, ouais, voilà. Et puis, mais il y a eu d'autres attentats, enfin, dont on parle moins en France. Voilà, et en fait... Ouais, il y en a certains, moi j'ai vu des émissions, depuis longtemps, il y a eu beaucoup d'attentats avec des terroristes et tout ça. Et il y en a certains qu'on a presque oubliés, et il y en a d'autres qu'on se souvient très bien, parce que c'est peut-être plus récent aussi, mais bon, voilà. Comme quoi les attentats, on n'est jamais à l'abri, quoi. C'est quand même une guerre en continu. Tout à fait, en fait voilà, donc il y a des attentats qui ont été commis, enfin, par des gens dont on ne... partage absolument pas les idées, et voilà, on a voulu dénoncer tout ça. Essayer de parler d'autres formes d'attentats que ceux qu'on parle, toujours cibler les mêmes personnes qui le font, et parler que comme quoi il y a aussi des attentats commis par l'extrême droite, par plein d'autres groupuscules que nous on ne valide pas du tout, et essayer de parler que comme quoi les attentats c'est pas ciblé que sur... Ouais, quel qu'il soit, de toute façon, c'est pas une bonne chose, quoi. Voilà. Donc, et ouais, mais bon, on dirait que les êtres humains, ils aiment bien faire la guerre, ils aiment bien les choses comme ça. Oh, c'est une passion, je crois. Ouais, ouais, pour certains, oui. Et c'est vrai que, alors que la plupart des gens, ce qu'ils veulent, c'est simplement vivre tranquillement et profiter un petit peu de la vie. Bah, qu'on nous foute la paix. Voilà, simplement, hein. Donc, c'est pour ça. Qu'on nous laisse faire des concerts. qu'on nous laisse faire des concerts, qu'on nous laisse s'exprimer librement. Et on a cette chance en France de pouvoir encore le faire pour l'instant, hein. Donc il faut continuer à garder ces habitudes là en tout cas, et puis ceux qui veulent faire la loi alors qu'ils ne viennent pas d'ici forcément, donc quelque part ça amène encore plus de problèmes et d'incompréhension. Voilà, très bien. Donc alerte attentat, vous vous souvenez où vous étiez le jour des attentats du Bataclan par exemple? Franchement, moi pas du tout. Pas du tout. C'est vrai que ça marque pas mal de gens. J'ai dû l'apprendre une semaine après, parce que comme je regarde pas la télé tout ça, j'avais pas allumé l'ordinateur, donc j'ai dû le savoir à peu près plusieurs jours après, parce que et puis étonné de savoir ce qui s'était passé. Mais ouais, le jour même, je m'en souviens vraiment pas du tout. moi, je m'en souviens parce que j'étais ici. C'était un vendredi soir. Oui. Effectivement, je me souviens même qu'il y avait David McLean. Et puis, on s'est dit, on regardait sur Facebook. Il dit, je suis à l'abri, c'est bon pour moi. Ouais. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose. Et on s'est aperçu qu'il y avait des attentats. On a commencé à fouiller. Et nous, on était en direct, on découvrait ça. On s'est dit, mais c'est vraiment dingue, quoi. C'est complètement fou. Une scène de guerre comme ça, en plein milieu de Paris, c'est terrible, quoi. C'est quelque chose qui a marqué beaucoup de gens, et on pensait pas que c'était possible. Ouais. On s'est retrouvé dans ce truc-là, quoi. Très bien. Bah, en tout cas, le sujet est super bien. Et c'est bien aussi de dire, voilà, les attentats, quels qu'ils soient, parce qu'on va pas dire, voilà, c'est telle partie de la population qui fait ça. Ben non, il y a des attentats dans tous les sens. Il n'y a pas que ceux qui sont médiatisés, en fait. C'est ça, ce qu'on voulait surtout soulever. C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de formes d'attentats, mais dont on ne parle pas. Et voilà, nous, on essaye de faire passer le message comme on peut, quoi. D'accord, bah très bien, en tout cas, superbe morceau, en tout cas, bravo pour l'interprétation et aussi pour l'enregistrement, parce que c'est vrai que quand vous sortez un album, est-ce que le son est bien, est-ce que ça a été bien enregistré, est-ce qu'on écoute, on entend bien tous les instruments et tout ça, c'est tout un travail. Hein. Là-dessus, on va remercier l'atelier de Lexa, voilà, c'est la personne qui nous a enregistré, qui a fait un très bon travail, qui a été très patient, parce qu'on a été très chiant. Dans un délai très court. Mais le résultat est là. Donc, vous allez bientôt découvrir ça. Mm-hmm. Mais il a fait un super boulot. Ouais. On est assez content du résultat. On est très content. Ouais. Alors, on va parler justement de cet enregistrement. Comment ça s'est passé? Ça a commencé quand? Ça a fini quand? Alors, de toute base, on devait essayer d'enregistrer, faire les prises sons plus ou moins nous-mêmes. On s'est vite rendu compte qu'on allait en chier. Les compétences. Donc, du coup, en fait, on avait un ami qui, lui, était ingé son, qui avait un studio mobile. Donc, du coup, en fait, on lui a proposé le projet. Lui, ça lui a plutôt plu. Donc du coup, il est venu chez nous directement, on a isolé une pièce un peu comme on pouvait, et il est venu en une semaine, on a fait ça, toutes les prises sons en une semaine, et puis après, mixage, mastering par lui-même, et puis on a un résultat qui nous plaît plutôt pas mal. Donc une semaine, ça veut dire un instrument par jour. Hein. Donc, pendant 12 heures. Pendant 12 heures, ouais, c'est ça. Donc autant nous, on en a, ouais, on a un petit peu souffert. Ça a été assez sportif, hein, j'avoue. Je pouvais plus voir ma guitare à la fin de la journée. Ouais, ah oui, j'imagine. C'était vraiment de l'endurance. Mais on a une physique. Grosse pensée pour Lexa parce que ouais, lui, du coup, ça a été 12 heures par jour pendant 7 jours. Quoi. Nous, on a pu faire des pauses, mais lui, pas du tout. Donc, Ouais, parce qu'on n'imagine pas. Bon, il y a les prises de son et tout ça, mais après, il y a le mixage. Oui. Alors, chaque piste, il doit les nettoyer, il doit mettre en valeur certaines c'est choses, ça. Etc. Remettre des effets dessus. Il faut voir le temps qui passe là-dessus. Ah, et c'est une c'est question de patience. Et après, c'est pareil. Moi je les admire, les gens qui font ça, parce que comment ils arrivent à toujours maîtriser, c'est-à-dire que pendant un certain une heure, deux heures, ça va aller, mais quand ils font ça pendant des heures et des heures, au bout d'un moment, ils n'entendent plus rien, c'est pas possible. Non, ils sont vraiment à fond dans leur truc. Puis bon, ils ont aussi cette facilité, c'est que le premier instrument, c'est sûr qu'il y a le studio et tout ça, mais le premier instrument, c'est quand même les oreilles, et souvent, c'est des gens qui justement ont développé ce sens-là pour pouvoir avoir le meilleur avec la technologie actuelle, quoi. Exactement. Donc, ben, voilà, en tout cas, bravo, en tout cas, pour l'enregistrement. L'album, il a combien de titres ? 12. 12 ? Ah oui, c'est un vrai album, quoi. Ah oui, non, carrément... c'est bien, on le fait bien. Quitte à le faire, au moins, on sort un truc complet. Est-ce qu'il y a un morceau que vous avez envie de mettre en avant par rapport à tous les autres qui fera peut-être l'objet d'un single, quoi, un truc comme ça, ou... Ils sont tous différents. Ils sont tous différents. Ouais, ils sont tous uniques dans leur genre. Après, on en a quelques-uns, on va dire, qui prennent le dessus un petit peu par rapport aux autres. Après, il y a... qui a fait un peu l'unanimité, c'est le morceau Profit from Earth, qui lui est... En plus, on a un petit featuring qui est sympa dessus, donc du coup, on est assez content. On est assez content du morceau aussi. Donc celui-là ressort un peu, mais c'est vrai qu'il y a quelques morceaux qui ressortent plutôt pas mal de l'album. Alors le morceau qu'on a écouté là, il fait déjà l'objet d'un clip. Oui. C'est ça. Voilà. Et est-ce qu'il va y avoir d'autres clips C'est un projet dans l'année. Après, c'est pareil. Ça demande aussi des moyens. Des moyens techniques, des moyens humains, voilà. Des moyens financiers. Voilà. Et justement, le clip, la réalisation de ce clip-là, comment ça s'est passé Là, on va remercier une autre personne qui s'appelle Héloïse Roussel. Qui est venu avec son matériel personnel pour faire des prises vidéo. Voilà, on a fait ça dans un lieu désaffecté et oui, ça a pris une journée pour refaire les prises vidéo. 4 heures. Soyons clairs, c'est 4 heures à peu près. Oui, 4 heures à fond. voilà. Et après, il y a eu tout un travail de montage vidéo fait par Rino. Ah oui, ça effectivement, c'est beaucoup de temps aussi, ça. C'est beaucoup de temps aussi, voilà. Parce qu'il faut regarder tous les détails, il faut savoir où couper, où monter, etc. Et puis après, regarder. Le clip, à la fin du clip, tu le connaissais par cœur, jusqu'au moindre détail. Oui. oui. Ouais, et puis on avait plus envie de le voir. ouais, non, mais c'est ça. Et puis après, il y a le fait de... Lui, il était à fond dans le truc, donc se dire, bon, bah là... Ça me plaît, mais quand il montre aux autres, ah ouais, mais ça me plaît pas, ça me plaît pas, donc faut recommencer telle partie. Donc c'est vrai que c'est quand même assez épuisant moralement comme genre de travail. Mm-hmm. Mais après, une fois que le résultat est là, en général, on est assez content quand même. Ouais, et puis après, ce qu'il faut, peut-être à la limite, moi, c'est comme ça que je fais les choses, mais en tout cas, quand je fais un travail comme ça, après, je le laisse se décanter pendant un certain temps, et je le reprends une semaine après, et puis là, je la réanalyse à nouveau, quoi. Je revois les choses différemment, parce que quand on l'a dans la tête, au bout d'un moment, on voit plus. C'est comme tout, hein. Ben, comme voilà. Pour le mixage tout à l'heure. T'as la solution. voilà, donc. Ben, on compte sur toi pour le prochain clip. ah non, moi, j'y connais rien du tout, hein. Je me suis amusé à faire des petits montages comme ça, mais vraiment, je me rends compte du travail qu'il y a. Et puis il faut vraiment connaître les bons logiciels, il faut avoir beaucoup de patience, il faut savoir aussi s'isoler, parce que c'est vrai que quand on fait ça, on peut pas regarder la télévision en même temps, il faut pas faire autre chose, donc il faut vraiment se concentrer dans ce qu'on fait. Donc oui, effectivement, c'est beaucoup de travail, hein, j'imagine. Oui, oui. en tout cas, très bien pour ce premier clip, et puis on attend le suivant, hein. Nous aussi. On va parler aussi de... Voilà, vous faites de la musique, on a vu que vous faisiez du ska, il y a un petit peu de punk, il y a du rock, il y a même du folk. Quelles sont vos inspirations pour... quels sont les groupes, les artistes qui vous ont inspiré ? Alors, je pense que chacun à des inspirations différentes, hein, ouais. Même s'il y a certaines choses qui sont communes. Et puis après, je dis souvent dans l'émission, la musique, c'est aussi culturel. C'est parce qu'on a un ami qui nous a fait découvrir tel truc qu'on va aimer, et puis ainsi de suite. Nous, on aime quelque chose, on a envie de le faire découvrir à d'autres personnes, et c'est ainsi de suite, on arrive à faire connaître et puis apprécier ensemble les mêmes morceaux. Donc, vous pouvez peut-être nous en citer quelques-uns. On a, par exemple, avec Renaud, on a donc le groupe Los Tres Puntos, qu'on apprécie depuis des années et des années, qu'on voit depuis des années et des années aussi. Depuis plus de 20 ans. Ouais. Après, on a le groupe Random Head aussi, qu'on apprécie tous, dont on s'est basé sur certaines choses pour le mixage. Après, qu'est-ce que en commun Après, on est quand même assez différents. Quoi. On a une partie du groupe qui, on va dire, qui va écouter plus du tout ce qu'on va appeler du vieux ska, de plus années. Voilà, du two-tone, du early reggae. D'accord. Et après, il y en a qui vont écouter plus du rock, et après, il y en a d'autres comme moi qui vont être plus sur du punk hardcore et du crust. Donc, c'est assez varié comme influence, et du coup, c'est ça qui est même assez sympa, c'est que chacun ramène ses propres influences dans les compositions. Donc, c'est vraiment varié comme influence. D'accord, ben, vous avez parlé de Los Tres Puntos, c'est un groupe en espagnol, mais c'est un groupe français. C'est un groupe français, c'est un groupe de Paris. Voilà, des fois il ne faut pas s'y chier, parce que j'ai vu le titre, ça n'avait rien à voir. Ah oui, dans La Bataille, alors, oui. C'est... Ouais, La Bataille, le morceau, c'est le morceau qu'on va écouter juste après. Vous pouvez nous en parler un petit peu plus de ce groupe-là, c'est un groupe parisien. C'est un groupe parisien, c'est des amis, enfin maintenant c'est des amis. Ouais. D'ailleurs, je ne sais pas si on devrait le dire, mais... Voilà. Mais... T'es bien parti. Oui, mais je pense pas. Allez, je vends la mèche, ça y est. Bon, bah, en fait, on a le trompettiste de Los Tres Puntos qui est venu poser sur notre poser sa trompette sur notre album. Voilà. Et c'est un groupe qui est devenu un groupe référence dans la scène de ska ska punk français. Ça fait plus de 20 ans qu'ils tournent, je crois qu'ils ont fait leurs 25 ans. Ils vont bientôt. Ils vont faire leurs 25 ans d'ici peu. Donc c'est devenu vraiment un groupe référence de la scène française. C'est un des groupes qui dure depuis assez longtemps. Donc des groupes qui durent depuis 25 ans sans jamais s'arrêter, c'est quand même assez rare. Hein. Même les Beatles, les Stones peut-être. Ouais, mais Orléans, il y a quand même les Burning Heads. Les Burning Heads, effectivement. Les Burning Heads qu'on a eu l'occasion de recevoir ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel de reprise, représenté par un seul membre, c'est JB qui vient ici à chaque fois, c'est un plaisir. Oui, bah, c'est quelqu'un adorable. De formidable, adorable. Et dans l'ensemble, ils sont très humains. Voilà. Et puis pour la petite histoire que j'ai déjà racontée à plusieurs reprises, Thomas, le batteur, il était dans ma classe quand on était au lycée Potier, quand on faisait des cours. Il chôme pas lui en ce moment avec toutes les formations. Ouais, comme Intern Sect. Comme déjà. Intern Sect, Lion Slow. Un groupe qui existe toujours. Hein, voilà. Ouais, qui s'est reformé il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, ouais. Puis là, de Lion Slow aussi, avec qui il tourne énormément. D'accord. Lui, il a fond là-dedans. Ouais. Il a toujours été. Hein. Pas toujours. Il m'a toujours dit, je me souviens quand il était gamin, on avait 16 ans quand on se connaissait. Et il disait déjà, moi de toute façon, je ne sais pas faire grand-chose de plus. Hein. Moi, c'est de la batterie. Et puis il adorait ça et il fait la musique. Et bon, il a réussi avec ça. Il en vit. Bon, c'est vrai qu'ils vivent de leur musique, mais ils vivent aussi de en aidant d'autres personnes, oui. etc. Donc, c'est vraiment un univers de la musique. Et bon, je trouve ça formidable. Hein. Et grâce à eux, on a découvert pas mal de groupes, des groupes japonais qu'ils avaient fait venir à l'époque. Ils avaient été joués aussi au Japon. Voilà, les Burning Heads, c'est quand même un groupe qui est souvent cité par les invités. C'est une référence en Orléans, mais en France, même à l'étranger, c'est devenu quand même une bonne référence. Quand on parle avec des groupes, par exemple, d'autres villes, ils nous parlent souvent, Orléans, c'est ce groupe des Burning Heads. Ouais, voilà. C'est un peu ça. Et puis, c'est donc nos ambassadeurs un peu partout dans le monde. Voilà. Et ça nous fait vraiment plaisir. On va écouter donc le morceau Los Tres Puntos avec La Bataille. C'est parti. We'll be right back. donc un morceau qu'on découvre dans l'émission Mavrika, un groupe de Paris. Voilà, on était un peu surpris par la fin. Ça finit vite. Hein. Ce sont les Los Tres Puntos en espagnol et c'est un groupe français. Et le morceau qu'on vient d'écouter s'appelle La Bataille. Tout à fait. Voilà, donc on va continuer à découvrir votre univers. Alors, vous avez parlé de plusieurs groupes différents qui vous ont influencé, voilà. Oui. D'autres groupes encore que vous pouvez citer. On a parlé de Bernie Head aussi. Oui, bah niveau guitare, oui, il y a 2-3 trucs, oui, qui m'ont un peu inspiré par rapport au Bernie, mais bah, c'est assez large, ouais, comme je disais. Après, il y a des groupes comme Interterrestrial aussi qu'on aime tous plutôt beaucoup, qui mélange un groupe anglais qui mélange le punk, le ska et le dub. Et un groupe qui commence un peu à dater déjà. Voilà. Il y a les Streetlight Manifesto aussi, un groupe américain. Avec une section cuivre qui... Avec une sacrée section cuivre. Ah oui. Non, bah, ah, vous aimez les cuivres, hein, voilà. Bah, ouais, oui. Surtout que c'est le trombone qui le dit. Donc. Oui, il est objectif. Donc voilà, non, après d'autres groupes, après il y a des groupes français aussi comme La Ruda, ouais, qui nous ont influencés, hein. Enfin on a été bercés par la Ruda Selska, donc La Ruda, les Caméléons. Les Caméléons. Enfin toute cette scène-là, la scène Oscar, les groupes comme Outrage là qui sortent un album là d'ici peu. Enfin toute cette scène un peu, on était un peu bercé dans toute cette scène un peu ska rock, ska punk française des années 2000 quoi. Donc on a beaucoup fait de festivals où il y avait toute cette scène-là, donc on était très influencé par la scène un peu ska punk française et même étrangère du coup. Là, j'étais en train de regarder aussi les gens qui sont intervenus justement sur le Facebook, hein, parce que sur Facebook, je mets le programme avec tous les morceaux qu'on va diffuser dans l'émission. Donc, ça permet aux gens des fois, s'ils voient des morceaux qui leur plaisent, ils peuvent retrouver les titres facilement. Et donc, il y a des petits gens. Il y a des gens qui ont mis des petits pouces. Il y a Julie, Brigitte du groupe Duke, Christian du groupe Goodbye Watson, voilà. Aurélie du groupe Neutol, qui était venu il y a quelque temps, Bruno Boucher, qui s'appelle Bruno Bauer, c'est son nom d'artiste, Gino Joubert, il y a aussi Monsieur Alex, hein, vous connaissez sûrement, c'est du groupe Skawax, oui. Justement, voilà. Donc les gens qui ont l'habitude, c'est vrai que c'est des noms qui reviennent assez régulièrement, ce sont des gens qui écoutent assez régulièrement l'émission Mavrika, et on les salue, donc ça nous fait plaisir, et vous pouvez continuer à nous envoyer des petits messages, et puis aussi nous mettre des petits j'aime sur le Facebook de l'émission Mavrika. Voilà. Donc on avait parlé aussi de Skawax. Oui. C'est un groupe que vous connaissez depuis longtemps déjà, non? Ou... De réputation et de musique, oui. Après, personnellement, on les a rencontrés du coup au Sondé. D'accord. Okay. Sinon, après, oui, c'est pas un groupe qu'on côtoie plus que ça, mais c'est un groupe qu'on connaît quand même depuis pas mal d'années maintenant. Mm-hmm. Très bien. Donc, c'est bien de parler aussi des groupes qui vous ont influencé, aussi des groupes que vous avez rencontrés lors de concerts. Est-ce qu'il y a d'autres groupes que vous avez rencontrés, même si ça n'a rien à voir avec ce que vous faites, que vous avez aussi apprécié lors des concerts? Ah, il y en a plusieurs. Ah, oui, Dernièrement, moi, j'ai retenu quand même les Tu Laviok. Bah, Tu Laviok, oui, il y a eu un vieux groupe de punk rock du Sud qui... avait cette facilité de faire beaucoup de punk rock avec des vieux champaillards. Donc c'était assez animé en concert, c'est assez marrant, et on avait vraiment sympathisé avec leur batteur, qui est un mec vraiment adorable. Après, dans les groupes qu'on a beaucoup aimé, donc nous, il y a eu les Balto Paranda, avec qui on a quand même pas mal tourné, ouais. On a un groupe parisien aussi, qui mélange un peu ska punk balkanique. Après, on en a rencontré tellement, en fait, même en dehors de Turn Off, c'est vrai que... Après, dans le coin, il y a les RN6. Ouais. Ah, RN6, ouais, ils sont déjà reçus aussi, et j'adore vraiment leur musique, hein, franchement. C'est vraiment morceaux très courts qui envoient avec un punch pas possible, et c'est vrai qu'il va falloir qu'on les réinvite, parce que je crois qu'ils passent l'enregistrement aussi. Ça, j'ai entendu dire ça, donc voilà, en tout cas, ça me ferait vraiment plaisir qu'ils reviennent ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et puis, on va fouiller, on va voir si on trouve pas un petit morceau d'eux, ça ferait plaisir aussi. Après, on a les très bons potes d'Union Jack, ouais, qui eux sont... Un groupe, c'est pareil, ça fait un petit peu qui tourne, un groupe parisien, un power trio, très, efficace. Et ouais, c'est très très efficace. Espèce de, ça part sur le vieux bad ska, donc parce qu'on tout ce qui était la scène de skacore un peu américaine jusqu'au punk rock. Vraiment vraiment super groupe. Si les gens connaissent pas, franchement, faut découvrir. Moi, je vais vous faire découvrir un groupe parce que tout à l'heure on a passé donc un nom espagnol et moi je vais vous faire découvrir un groupe espagnol. C'est un groupe que j'ai eu l'occasion d'interviewer par téléphone depuis Valladolid. Donc c'est en espagnol. Hein, je me suis débrouillé comme j'ai pu. Hein, et c'était le groupe Camping Gas. Et dernièrement, je suis retombé sur leur album et je me suis dit ça serait bien qu'on rediffuse un petit morceau. Donc je propose qu'on écoute le groupe Camping Gas. Je crois qu'il n'existe plus ce groupe-là. Il avait sorti un album à une époque. Je me souviens plus comment il s'appelait. Je vais le retrouver le nom. Et donc, je vais vous dire le titre. Cuidado con Karina que me han dicho que es Cristina. C'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. C'est pas évident à dire. Mieux, hein. Voilà, on l'a dit en espagnol. Et on écoute ça tout de suite. Et puis après, on retrouve les Turn 9 dans leur émission. Émission numéro 496. Thank you. Voilà, donc c'est un petit souvenir du groupe Camping Gaz que j'avais interviewé il y a déjà quelques années, un groupe de Valladolid. Alors l'album s'appelle Demuéstrame que no eres una máquina, voilà. Et le titre qu'on vient d'écouter s'appelle Cuidado con Karina que me han dicho que es Christine. Et d'ailleurs, à propos de Christine, nouvelle émission le mercredi soir de 19h30 à 21h. C'est une émission qui s'appelle À Flor de Piel, qui est présentée par Christine. Et à mon avis, il y aura peut-être un petit morceau de Camping Gaz aussi. Je vais essayer de lui souffler ça, puisque vous pouvez découvrir toute la musique espagnole moderne, hein, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Et puis même un peu plus loin avec l'Amérique latine et tous ces rythmes différents. Voilà. On est dans l'émission Mavrica pour l'instant et nous sommes avec le groupe Turn Off. Et on vient donc d'écouter un morceau qui s'appelle Camping, du groupe Camping Gaz. Voilà. Je vous ai fait découvrir ce groupe-là que vous connaissez sûrement pas, mais bon, c'est bien sympathique en tout cas. Ouais. Voilà, du rock'n'roll. On a aussi calé d'autres morceaux parmi ceux que vous nous avez cités et on les écoutera tout à l'heure. On était en train de parler justement de tous les groupes qui vous ont influencé, les groupes que vous aimez, ceux que vous avez rencontrés. Donc ça fait plein de choses différentes. Et puis dans votre musique, on ressent peut-être un petit peu tout ça, quoi, non ? Oui, bah, voilà. Bien sûr, vu que on est influencé. Enfin, comme on l'a dit tout à l'heure, je pense que il y a des riffs, enfin voilà, qui font. Ouais, et puis le rythme déjà. Vous avez parlé beaucoup de groupes ska, parce que le ska c'est quand même quelque chose de particulier. C'est un rythme bien particulier. Alors l'origine du ska, vous pouvez nous en parler aussi un petit peu. Ça vient d'où ça? Ça vient de Jamaïque à l'origine. Ça vient de Jamaïque. C'était un peu l'ancêtre du reggae. Hein. C'est ça. Ça a évolué vers le reggae. C'était ce qu'avait suivi après le calypso. Voilà. Musique calypso et après le ska, nous qu'on écoute beaucoup, c'est quand toute cette vague jamaïcaine s'est exportée en Angleterre. En Angleterre, ouais. Fait redécouvrir, ça s'est mélangé avec la musique anglaise, puisqu'il y avait beaucoup de Jamaïcains qui ont été Londres, etc. Il y a eu beaucoup d'émigration jamaïcaine du côté de Londres, et du coup, il y avait toute la jeunesse prolétaire qui s'était vraiment appropriée cette musique-là. Mm-hmm. Et du coup, c'est là qu'est né le mouvement skinhead, comme. Ouais, ça s'est mélangé avec le punk, hein, voilà, il y a eu ce truc-là. Là, le punk arrivait beaucoup plus tard. Ouais, mais c'est-à-dire qu'après, on retrouve beaucoup de groupes qui étaient aussi influencés punk, et comme on parlait tout à l'heure, les Burnhead, mais il n'y avait pas que. À l'époque, il y avait les Clash et tout ça, où il y avait des rythmes rock, et il y avait aussi le mélange du dub, du reggae, comme les Rats ont pu faire aussi à cette époque-là, toute cette vague qui s'amusait justement à mélanger le reggae et une musique punk rock qui à la base se voulait très très sauvage, et justement ces mecs là se sont dit les revendications sont souvent à peu près les mêmes, donc pourquoi pas essayer de mélanger un peu les styles. Et c'est vrai que c'est pas évident, parce que c'est vraiment deux manières de jouer différemment au niveau de la basse, etc. C'est avec les contre. Le rock est tout sur le temps et le ska c'est tout à contre l'arrière. Donc voilà, c'est une manière différente, mais des groupes ont très bien réussi à marier les deux. C'est justement ce qui fait aussi la force. Et quand on va voir un concert où il y a justement on varie, on passe un petit peu du reggae au rock à d'autres choses, je trouve que c'est beaucoup moins lassant que de voir toujours la même chose, quoi. C'est personnel, hein. Ça permet de moins lasser les gens. Si on n'est pas très bon, ça permet qu'ils évitent de trop s'ennuyer. D'accord. Voilà, ça permet d'écouter plein de choses différentes et puis de les faire voyager à travers des rythmes différents. Donc le groupe Turn Off, qui existe depuis 2017 et qui a envie de faire des concerts. Est-ce qu'il y a des concerts de prévus, justement? Bon, on a pas mal qui commencent à tomber, oui. Là. Mmh. Comme les gens, les organisations voient que ça commence un peu à se décanter, tout ça, donc du coup il y a quand même pas mal d'orgas qui retombent. Donc là, on a normalement au mois de mars, on doit jouer le 11, si je dis pas de bêtises, du côté de Moulins. On a. Le 26 mars, dans le Morvan. Dans le Morvan, Arleuf. Après on a. Cornemuse. Après, on a pas mal de dates en juin. De mémoire, je ne les citerai pas. Alors après, c'est pareil, on en a plein qui sont en attente de confirmation parce que forcément, les organisateurs ne veulent pas prendre trop de risques tant que la situation est un petit peu bancale encore. Ouais, donc il commence à contacter les groupes, voilà, mais ils tâtent le terrain un petit peu, ils nous disent bon bah ok, on attend d'en savoir plus, mais en gros rester dans les starting blocks quoi. Et puis si on a toutes les autorisations pour faire la soirée, ça se fera. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a quand même encore cette prise de risque qui fait peur à certains. Mais on a quand même pas mal de dates qui sont tombées, c'est vrai que. Donc après on est en train de mettre à jour le site internet avec toutes les dates qui tombent justement au fur et à mesure. Donc normalement toutes les dates on peut les retrouver sur le site. Donc le site c'est quoi ? www.turnoff-6ska.com. D'accord, donc c'est facile, -6.com. Voilà, Turnoff. Alors pourquoi vous avez choisi Turnoff ? Et pourquoi pas Turnman, par exemple ? Alors là, c'est une grande histoire. Je te laisse raconter, Renaud. Oh non, c'est compliqué. Oh là là. Non, on cherchait un nom de groupe qui soit facile à retenir. Donc voilà, et on voulait, vu qu'on chante en français et en anglais, on voulait qu'il soit compréhensif par tout le monde. Après c'est long. En fait, après c'est. C'est la rencontre justement avec les Los Tres Puntos, avec une idée de Benji. Ça vient de. On était en Bretagne avec notre ancien bassiste et on cherchait le nom. Et à un moment on a écouté l'album de Tooten Club qui s'appelait Turn Off the Television. Et du coup j'avais proposé un peu en l'air comme ça, Turn Off c'est simple à retenir et ça sonne bien et ça. Comme on voulait parler un peu des médias, éteindre, ça, on trouvait que ça représentait plutôt pas mal la chose. Et après, on s'était retrouvé à un festival justement à discuter avec les amis de Los Tres Puntos, à leur dire nos différentes idées de nom de groupe. Et du coup, tout le monde a été assez d'accord pour dire que Turnoff, c'était quand même pas si mal que ça. Ouais, c'est bien. Donc, du coup, on est parti là-dessus. Ça sonne bien, anglais. Et en plus, c'est bien de le dire aussi, c'est que les compositions sont en français, mais aussi en anglais. Il y a les deux. Et l'anglais, c'est aussi toi, Renaud, qui fais ça ? Alors, oui et non. Et non. D'accord, vous allez m'expliquer justement. J'ai la base, mais après, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui vienne me corriger. Voilà. D'accord. Et cette personne, c'est qui ? Après, il y a plusieurs personnes qui peuvent. Voilà. Il y avait notre ancienne trompettiste, qu'on remercie, qui s'appelait Anne. Voilà. Qui avait un bon niveau en anglais, donc du coup, elle nous aidait à faire des corrections de syntaxe, on va dire. Après, on a dans notre entourage toujours quelqu'un qui parle très bien anglais, qui écrit très bien anglais, qui peut nous corriger si besoin. Ça évite trop le mot à mot. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'en français, on a tendance à écrire en français, et puis après on traduit, mais des fois, il y a des surprises, parce qu'il y a des choses qui ne se disent pas du tout pareil. Les tournures ne sont pas les mêmes, et puis il y a aussi des expressions que des fois qu'on ne connaît pas. Je me souviens, une fois, c'était les Gin and Peanuts qui étaient venus ici. Et ils avaient une chanson qui s'appelait Dancing with my monkey. Ils avaient mis ça parce que c'était drôle, danser avec son singe. C'est une expression en anglais qui veut dire tromper son conjoint, quoi. Ah oui. Donc voilà. Mais quand on ne sait pas. Mais après ils ont découvert, ils se sont dit bon à la limite c'est pas gênant. Mais bon ils savaient pas que ça voulait dire ça. Donc il y a des trucs comme ça. C'est comme en espagnol aussi. Faut faire attention. Le batteur se démerde pas trop mal en anglais non plus. Donc il y a des trois trucs qu'il a vu aussi à droite à gauche. Des fois j'ai des sueurs froides quand je découvre ce qu'on dit. Mais bon ça va. Ok. Voilà. Et français. Anglais, vous n'êtes pas limité. Si un jour on vous propose un truc en espagnol, par exemple, ou en portugais, je suis un petit peu limité au niveau chant. En allemand. Non. Alors déjà l'anglais, comment dire, je l'ai pas vraiment pratiqué à part au lycée, etc. Donc j'ai un accent un peu catastrophique. J'ai envie de dire, visiblement, les étrangers aiment bien l'accent français. Oui, ils aiment ça. Bon, je me dis, de toute façon, moi, je m'entends pas, donc c'est pas très grave. Mais après, chanter en espagnol, j'ai perdu toutes mes notions d'espagnol, donc ce serait une catastrophe, ce serait faire honte. Après c'est pareil, ça peut être fait en phonétique. Il y avait dans le groupe Jash, il y avait une chanson qui était interprétée en portugais et c'était tout en phonétique. Elle savait pas du tout ce que ça voulait dire. Elle l'avait appris comme ça et puis voilà, c'était tout. Mais bon, c'est faisable aussi. Mais bon, après c'est une gymnastique différente. Quoi. C'est ça. Et puis, vu qu'on a des textes qui sont quand même en général assez engagés. Bah, c'est vrai que moi, quand je les chante, j'aime bien les chanter à fond, quoi, et pas les faire juste par l'oreille, quoi. Enfin, du coup, elle est en train de dire qu'il faut qu'elle apprenne l'anglais, l'espagnol d'ici peu, pour qu'elle comprenne vraiment ce qu'elle chante. Merci, Albino. D'accord. Et justement, j'avais reçu aussi dans les studios Fiona du groupe Itch, qui est une vraie anglaise, hein, et elle vit en Angleterre, elle est retournée là-bas d'ailleurs, et elle a refait un groupe là-bas, et elle nous disait justement, avec son accent anglais, elle dit, l'accent français, quand elle chante en anglais, c'est sexy. Voilà, donc comme quoi, bon, les Anglais apprécient aussi l'accent français. Ben, c'est ça. C'est pour ça que je me dis, bon, bah, ma foi. Hein. Oui, et puis bon. On verra bien. On verra bien. Et puis le général de Gaulle, quand il parlait en français, c'était pas très. En anglais, c'était pas très, très terrible, mais bon, il le faisait. Hein. Voilà. Non, et puis après, les textes, voilà, sont quand même sympas. Donc, du coup, bah, on tente. Et puis, bah. On n'est pas parfait, hein, donc si mon accent est pas terrible. Ouais, mais ça fait un style, ça fait un style. Hein, c'est ça. Voilà. Très bien. On va écouter un autre groupe que vous m'avez apporté. Donc, je vous avais demandé d'apporter aussi des fichiers pour qu'on puisse écouter ce soir. Alors, le prochain groupe, c'est lequel? C'est Streetlight Manifesto, groupe américain de ska punk avec, comme pouvait dire Renaud, une section cuivre plutôt balèze. Les mecs sont très très fort. Ok, on écoute tout de suite alors. Eh ben, c'est parti. We'll be right back. Voilà, donc Streetlight Manifesto avec We Will Fall Together. Moi aussi, j'ai l'accent du nord de Munich, on m'a dit. Hein, c'est bon, c'est pas du tout l'accent anglais. Mais enfin, bon, moi, j'ai appris l'anglais à l'école et depuis, j'ai jamais pratiqué. Donc, c'est ce qui explique un petit peu mon niveau. Mais en attendant, bon, en tout cas, super groupe, super musique. Ah ouais, ils sont balèzes. J'ai bien apprécié, en tout cas. Super section cure. Ouais, ouais. Tout, hein, même, j'aime bien la petite guitare aussi. J'aime bien, tout est bien fait. Et puis l'interprétation est géniale. Donc un groupe que je connaissais pas, que je découvre. C'est ce qui est bien aussi dans l'émission Mavrika, c'est que moi je viens ici et je découvre aussi des choses. J'apprends des choses. C'est une émission dans laquelle on apprend des choses et on découvre des artistes que moi personnellement je n'aurais pas diffusé. Et là la prochaine fois j'écouterai un petit peu plus. Voilà, ça va nous donner envie. Donc vous pouvez aller sur le Facebook de l'émission Mavrika. Il y a tous les titres avec tous les groupes. Comme ça vous aussi, il y a un groupe qui vous intéresse plus qu'un autre. Vous pouvez aussi aller les découvrir parce qu'aujourd'hui on a tout ce qu'il faut pour aller découvrir. Fouiller partout. Je me souviens comme à une époque, on entendait parler d'un truc à la radio, on notait le nom et puis on est allé chez le disquaire essayer de le trouver quand on arrivait. Et dès que quelqu'un arrivait à le trouver, on l'enregistrait et puis voilà, on se faisait des cassettes et tout. Aujourd'hui, c'est facile, hein, on a un nom tout de suite. Si on ne l'a pas, à la limite, on peut le chercher avec notre téléphone, il y a des applications qui nous permettent de le trouver et puis on le télécharge et on l'a aussitôt. Hein, c'est même beaucoup plus simple maintenant pour trouver la musique. C'est beaucoup plus simple, mais quelque part, avant, on méritait. On avait le morceau, on était content. Aujourd'hui, on a tellement, qu'on zappe tellement et on n'en profite pas assez et c'est un peu dommage. C'est un peu de la surconsommation musicale qu'on fait maintenant. Voilà. C'est on écoute sans vraiment écouter alors qu'avant on était content d'avoir l'album qu'on cherchait depuis longtemps. Ouais. Avec le nom du groupe qu'on connaissait pas, qu'on a cherché et qu'on. Et du coup, on n'a plus la même écoute qu'on pouvait avoir avant, je trouve. Ouais, ouais, c'est sûr. On en parle souvent dans l'émission. Et c'est vrai que le bon vieux vinyle qu'on pose, c'est pour ça que vous avez envie de faire un vinyle, pour qu'on l'écoute de cette manière-là, quoi. Bah, et puis moi, étant un collectionneur de vinyle, j'avais envie de le sortir en vinyle, personnellement. Donc voilà. Je les ai un peu convaincus de dire si, c'est vachement bien sortir sans vinyle. Ah ouais, mais c'est vrai que c'est l'objet, c'est quand même quelque chose de formidable. Le CD, c'est bien aussi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas pour autant qu'on va sortir la cassette. Oh, il a essayé, Benji. Il a essayé parce qu'il est collectionneur de cassettes aussi. De cassettes aussi. Ouais, c'est vrai que les cassettes, ça revient un petit peu aussi. Hein. C'est vrai qu'on avait un petit peu oublié. C'était un petit peu galère. Moi, j'ai connu les cassettes, les enregistrements. Aujourd'hui, on a des enregistrements numériques sur l'ordinateur. On fait des choses pas possibles. Et la cassette, bon. Il y avait ses petits défauts, il fallait pas la mettre dans l'humidité, il fallait pas la mettre sur les enceintes parce que ça démagnétisait et puis une fois que ça tournait, après le volume il montait, il descendait. Ouais, et les démos, c'était souvent des vieilles démos mal enregistrées. Ou un live vraiment pas bon du tout. Enfin, mais après, c'est vrai que oui, parce qu'à l'époque on pouvait pas remixer, on enregistrait un live et puis c'était en deux pistes et puis voilà, terminé. Hein. On les retouchait plus, on pouvait plus. Aujourd'hui, on enregistre souvent en multipiste, qu'on retouche, etc. Donc il y a beaucoup de lives comme ça, mais c'est des documents aussi, parce que des fois ça reflète quand même une époque et puis un moment précis, et voilà, ça a été figé comme ça, et puis c'est tout. Hein. Mais c'est vrai que la cassette, ça avait aussi son charme, hein, parce que si on avait une bonne platine, on avait des bonnes cassettes, moi j'ai vu des gens qui disaient, voilà, j'écoute des cassettes qui ont 40 ans, et ça marche impeccable, c'est super. Alors, bien. Il y a pas mal de groupes qui reviennent quand même un peu aussi à la cassette, surtout pour refaire un peu leurs démos, plutôt que de pouvoir faire un pressage CD. Il y a le CD maintenant, je vais pas dire plus personne en a rien à foutre, mais c'est plus pour écouter dans la voiture, alors que la cassette, quelque part, on l'a chez soi, on l'écoute plus chez soi. Il y a plus personne qui a par un batteur comme nous qui a un lecteur cassette audio dans sa voiture, mais d'accord, mais c'est une voiture d'époque alors. Non, c'est vieille technologie. Il y a ce côté là qu'on retrouve avec le vinyle où c'est plus un truc qu'on écoute chez soi posé, et du coup c'est pas la même écoute non plus. C'est l'amour de l'objet, hein, aussi. Oui, ouais, c'est vrai que l'album. Mais c'est vrai qu'un CD, parce qu'aujourd'hui, les musiques sont aussi dématérialisées. Mmh. Donc, on les télécharge, on les a sur le téléphone, on les paume, on sait même plus où ils sont. Voilà. C'est un petit peu dommage. Alors que le CD, même si on l'a rangé dans un placard, un jour en triant, hop, on retombe dessus, on le réécoute à nouveau. Et puis, c'est pareil, les artistes qui viennent ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, ben moi, je peux me flatter d'avoir une très belle collection d'albums dédicacés. Hein, donc, ils sont tous dédicacés. Et c'est l'objet qui m'ont laissé. Et puis, ça me fait vraiment plaisir. Donc, c'est souvenir. Voilà, c'est souvenir. Et puis après, des vinyles aussi. J'en ai quelques-uns qui ont été apportés par des artistes qui sont passés dans l'émission. Et c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir c'est l'objet. Quoi. C'est quelque chose de bien. Voilà. Donc, on a parlé un petit peu de vous, de vos enregistrements, de vos concerts. Donc, d'autres concerts, non, là, pour l'instant, il y a les dates arrêtées. Les dates arrêtées, je ne les ai plus trop en tête. Mais, tu ne les avais pas trop en tête. Donc, il faut aller sur le site. Sur le site. Être noté elles vont être mises à jour. On fasse les mises à au jour. Au fur et à mesure de leur confirmation, elles apparaissent. D'accord. Mais normalement, il y a pas mal de dates en juin, pas mal de... Tous les mois, normalement, quasiment, il y a des concerts jusqu'en août. Donc, ça commence à plutôt bien se remplir. Donc, turn off, tiré du 6, ska... .com. Voilà, c'est simple. Ouais, c'est simple, hein. C'est quand on connaît bien le nom du groupe, il faut pas oublier ce cas et puis c'est tout. Après, hein. Après, on fait aussi la mise à jour sur la page Facebook. Donc, bah oui, il y a aussi celle-là. Voilà, vu que les auditeurs vous suivent sur Facebook, c'est plus simple aussi. C'est vrai qu'on avait commencé avec Facebook et c'est ce qui permet aussi de dialoguer avec les gens. Hein. Ouais, c'est vrai que ce profil-là, bah, c'est un profil qui est pas du tout personnel, c'est celui de l'émission de radio, donc on continue, on le maintient depuis déjà pas mal d'années. Il y en a eu un deuxième qui avait été piraté à une époque, qui est revenu après, que j'ai réussi à récupérer, mais qui est sous un autre nom. Bon, je l'ai conservé parce qu'il y avait quand même des choses plus anciennes, mais Albino Mavrica, bah, c'est celui qui sert actuellement. Et d'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui... Ah, je suis en train de regarder les messages en même temps. Plusieurs personnes qui commentent. Hein. Donc, il y a une personne qui me dit, il faut, pour votre discussion, il ne faut pas oublier que les jeunes qui retrouvent le rétro, j'ai un Walkman, j'ai 19 ans, j'adore écouter les cassettes. Très bonne émission d'ailleurs ce soir, très intéressante. Bah, merci Shelia de nous envoyer de petits messages, ça nous fait vraiment plaisir. Vous la connaissez, non? Non. En tout cas, elle apprécie bien. Merci. Très bien. Donc, effectivement, les jeunes reviennent aussi à ça. Il faut... Parce qu'on catalogue les jeunes. Non, il y a des gens... Voilà. Et puis, j'ai entendu aussi dire que le rock revenait aussi un petit peu. Donc, j'espère qu'il y a certaines musiques modernes qui à la limite... est-ce qu'il y a des choses que vous aimez, des choses que vous n'aimez pas? Des choses que vous avez envie de dire, voilà. Bon. C'est vrai que... Chacun son truc. Oui, chacun son truc. On est moins fan de la musique surcommercialisée, on va dire. Ouais. C'est dans ce sens-là. Après, on est assez ouvert musicalement. On est plusieurs à pouvoir écouter du rap, à pouvoir écouter du rock, de la funk, du reggae. Enfin, on est assez ouvert. C'est du moment que... Enfin, du reggae, moins. mais du coup, on est assez ouvert. Ce qu'on n'aime pas, c'est la commercialisation de la personne par rapport à sa musique qui... Voilà, surcommercialisation. En fait, c'est tout pour faire un buzz, tout pour. Enfin, ouais. Ça, ouais, on est moins fan, parce qu'on trouve que ça perd un peu de son âme. Mmh. Mais après, même des styles qui nous parlent pas forcément. Enfin, moi, personnellement, je respecte tous les artistes. Oui, on n'aime pas, hein, voilà, on dit pas de mal, et puis voilà. Il en faut pour tout le monde. Il en faut pour tous les goûts. Et du moment qu'il n'y a pas un message haineux derrière. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est vrai que là, par contre, ça serait dérangeant. Mais à partir du moment où ils font quelque chose qui nous. Bon. On n'accroche pas, mais peut-être que c'est pas le bon moment. On peut très bien un jour se retrouver à un concert et puis se dire, oh, finalement, c'est pas si mal ce qu'il fait, voilà. Ouais. Bon, après, il y a des moments pour chaque chose, hein, et c'est vrai que c'est au hasard des rencontres et tout ça qu'on arrive des fois à trouver des groupes qui nous plaisent, d'autres qui nous plaisent un peu moins, etc. Voilà. Justement, à propos du ska, il y a une époque où ils étaient revenus, donc, en Angleterre, principalement, il y avait les specials, c'est les selectors, c'est les madness, etc. Donc, plein de groupes qui avaient marché. Qu'est-ce que vous pensez de cette époque-là? À l'époque, c'était quand même la mode. Hein. Ah, on aime beaucoup. Hein. Ouais, on adore. Ah ouais. Je sais que. Toute la période Two-Tone, à peu près années 70, oui, on est assez, assez friands de cette musique-là quand même. Mmh. C'est un peu ce qui a fait découvrir le ska au commun des mortels aujourd'hui. Hein. Oui. Les gens qui ont connu le ska ne connaissaient pas forcément le ska des années. C'était en quelle année ça? Rocksteady, années 60. Ouais, années 60, hein, c'était. Même certains années 50, tout ce qui était du ska. Rocksteady, années 60. Le ska, c'était. Début du ska, c'était années 50, fin 50. Ouais, c'était. Donc l'évolution qui s'était faite. Les groupes comme Madness ou The Specials, ce qu'il y a eu, c'est qu'ils ont fait beaucoup de reprises. En fait, tous les morceaux très connus d'eux qu'on connaît, c'est souvent des reprises de, justement, de groupes des années 60, comme One Step Beyond, c'est une vieille reprise. Comme le Message to Yuludi des Specials, c'est une reprise aussi. Même UB40, leur morceau phare, c'est aussi une reprise. Oui. C'est beaucoup de reprises qui ont été faites de remettre un peu au goût du jour de cette époque-là, les vieux morceaux ska des années 60. Ouais, des morceaux qui avaient peut-être pas été découverts aussi par les Anglais, par l'Europe en général. Ouais. Donc c'est un peu eux qui nous ont fait découvrir des vieux morceaux qu'ils ont remis au bout du jour. Et puis effectivement, ça avait bien plu. Et puis moi encore, il y a pas très longtemps, j'étais un peu sur la chaîne YouTube. Et puis hop, j'étais tombé là-dessus. J'ai regardé les vieux morceaux. Je les ai fait découvrir à mes enfants qui ne connaissaient pas hein, forcément. Et ils ont dit ouais, c'était bien. C'était vous rigoliez bien à l'époque parce que c'était drôle en plus au Madness et tout ça. C'était la manière de danser tout ça dans la rue en train de faire un peu les clowns. Ah bah quand on regarde l'équipe de Bad Manners, oui. Ouais, et puis, c'était d'ailleurs une des dernières grandes clubs qu'on avait pris en concert avec Renaud. Oui. On avait été voir Bad Manners en concert. Et oui, on a pris vraiment plein la tronche. Hein. C'était super concert. Et les mecs, ils en voient encore depuis des années. Ouais. Ils en voient vraiment. Papy, il a 70 ans. Il en voit encore. Il assure un set d'une heure et demie. Il saute partout. Oui, c'est ça. Ça a à voir sur scène. Et puis ça, c'est pas une musique qu'on écoute comme ça, figée. On a envie de danser. Ça, ah, c'est vrai que ça entraîne. Et même les gens sur scène, ça bouge dans tous les sens. Quoi. Donc c'est vrai que c'est formidable en tout cas. Bah, c'est très bien de parler de ska parce que c'est vrai que c'est pas un style qui est forcément représenté très beaucoup dans la région. Mais non, c'est assez dans l'Orléanais où c'est assez rare de ska. Mais bon, vous êtes là et donc le groupe Turn Off dans l'émission numéro 496. Voilà. J'espère que ça vous portez bonheur, hein, 496. On regardera tout à l'heure quel est le groupe qui sera là pour la 500e. Tout à l'heure, j'ai dû le citer, mais je me souviens plus exactement, donc on vérifiera. Voilà, on va écouter peut-être un deuxième morceau de Turn Off parce qu'on parle beaucoup, on commence à bien vous connaître, mais on n'a écouté qu'un morceau jusqu'à présent. Donc le premier morceau, c'était Alerte Attentat. Mm-hmm. Et le deuxième morceau, c'est un morceau en anglais qui s'appelle Profit Summers. Voilà, on l'écoute et on parle juste après. Voilà le deuxième morceau des Turn Off, morceau qui s'appelle Profit from Earth. Alors on va parler de ce groupe, de ce morceau-là, du groupe Turn Off. Donc, de quoi il parle? Alors bravo, en anglais, bah ça passe très bien, moi je trouve. Hein. Bah alors, c'est sexy. Oui. Pas de bruit dans les oreilles, c'est sexy. Ah bah écoute, hein. Ce morceau parle de, comment dire, de la catastrophe écologique qui se passe actuellement, de tous les profits financiers qui sont faits au détriment de la nature. Mmh. Voilà, après, Rino. Ouais, bah comment, enfin on en parlait aussi tout à l'heure avec notre ami Antonin. Parce qu'il le disait mieux que moi. En plus, il avait les mots. Tu tends les perches tellement bien. Voilà. Donc, non, c'est aussi des contradictions dans le comportement quotidien, des choses qu'on pourrait stopper mais qu'on fait pas, soit parce qu'on n'a pas conscience, soit parce que mais ça nous coûte trop. Ou... Pas que nous, hein, parce que des fois il y a aussi des décisions qui pourraient être prises. Ah ouais, ils savent très bien prendre des décisions pour nous interdire certaines choses, et pour d'autres ils le font pas. On peut parler par exemple du plastique qu'on retrouve dans les océans, les bouteilles en plastique, c'est ce qu'on attend pour les supprimer et puis revenir au verre comme à une époque. Ouais, ça prend du temps, c'est des années. Voilà, et voilà. Et puis ça coûte moins cher, surtout il y a un gros profit avec ça. Ouais, et tant que la finance va dans ce sens-là, ça va. Mais quand la finance va dans l'autre sens, c'est plus compliqué de faire changer les mentalités. Quoi. Et puis après ils se donnent aussi bonne conscience en disant telle chose, c'est bien, et puis quand on fouille un petit peu, on s'aperçoit que c'est pas tellement bien. Il y a aussi des... Bon. Donc c'est un petit peu votre coup de gueule que vous avez envie de pousser, et puis voilà. Donc, fuck Misco, quoi. Non, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on s'en rend pas compte, mais chacun à son niveau, si vous faisiez un petit peu, voilà, c'est vrai qu'on pourrait aider plein de choses. Alors moi, je me souviens, je vais vous dire une chose, c'est que aujourd'hui, on encourage les gens à faire leur compost, ceci, cela, et comme si c'était quelque chose de révolutionnaire, comme si c'était, moi, j'ai toujours fait ça dans mon jardin depuis 35 ans, quoi. Donc pour moi, c'était quelque chose. À l'époque, je passais pour un original. Hein. Aujourd'hui, ben les gens disent, oh, c'est bien, il faut faire ça, là. Oui, mais bon, il faut le faire, c'est simplement, c'est des gestes qu'on fait, hein. Les déchets alimentaires, ben, on les met dans le jardin, et puis dans un compost, et puis voilà, ça se fait tout seul, et puis après, c'est du superbe engrais, il n'y a rien de mieux pour nos tomates, hein, que de mettre des produits chimiques, donc voilà, à son niveau, on peut tous faire quelque chose, et je me souviens, à l'époque où les gens traitaient les rosiers et tout ça, on les traitait, et puis moi, je passais pour un original, parce que j'avais des pucerons, ben, quand j'avais des pucerons, et puis c'est tout, et puis aujourd'hui, comme tout le monde a arrêté un petit peu, bah j'ai des coccinelles aussi qui viennent et j'ai plus de pucerons. Donc tout simplement, on avait un petit peu tout cassé. Et le fait de revenir un petit peu à ça, faire attention, tout simplement, dans son petit jardin, chacun fait ça. Et puis ça marche très bien. Quoi. Bah, les gens remarquent que les anciens n'étaient pas forcément arriérés, qu'ils n'avaient pas forcément que des mauvaises habitudes et on commence à revenir un peu là-dessus. On commence à revenir là-dessus, ouais. Et ça met le temps. Après, le problème, c'est qu'on est dans une société de surconsommation. Donc on oublie certaines choses essentielles qui pourtant au quotidien, nous facilite aussi des fois la vie, hein, parce qu'il y a des choses qui sont très faciles à faire et qui coûtent rien et puis qui prennent moins de temps que d'aller courir au supermarché acheter des... Enfin voilà, c'est des gestes au quotidien qu'on est tous capables de faire et pour lesquels il faut se réhabituer à les faire. Très bien, bah, super sujet en tout cas. Donc vous êtes tous un petit peu engagés de ce côté-là, ou alors non, sans plus. Dans l'ensemble, oui, on a quand même des bases communes dans nos engagements de tous les jours, mais après, chacun son niveau, chacun son échelle, on a tous des sujets qui nous tiennent un peu plus à cœur que d'autres. Très bien, superbe morceau en tout cas, encore une fois superbement enregistré, hein, voilà. Et avec la participation de Jaja de Los Tres Puntos à la trompette, avec le petit solo de trompette qui nous a sorti sur ce morceau-là, dont on est très content de l'avoir accueilli sur ce morceau. Ben c'est bien de le citer, parce que voilà, et quand il y a un enregistrement, c'est un instantané. Il y a eu une personne qui est venue là, il y a une participation, il y a un truc, et ça reste, ça. C'est quelque chose qui est formidable. Il y a un côté humain qui est vraiment sympa. C'est des moments de vie. C'est des moments de vie. Hein. Je dis un instantané, c'est un peu comme une photo. Il y a des photos, on se souvient de certaines choses, et puis on reprend les photos, on dit, ah ben, il y avait un tel. Ah ben je me souviens plus. Et voilà, il y avait. Ah oui, c'était comme ça la maison à l'époque. Et voilà, donc et dans la musique c'est pareil. Vous allez vous souvenir de plein de choses qui sont passées lors de l'enregistrement. Voilà. Bah, est-ce que vous avez des anecdotes justement? Est-ce que vous avez des gros délires que vous avez eu dans votre carrière musicale ou des gros délires que vous aimeriez réaliser dans le futur? Des gros délires, après on en a tous un peu, parce qu'on est quand même aussi, avant d'être musicien dans ce groupe là, on est quand même aussi une bonne bande de copains, donc du coup on va souvent à des concerts ensemble, on fait souvent la fête ensemble, donc oui, des délires on en a plein, ouais. Et des fois à la fin du studio on était content parce que justement chacun rentrait chez soi aussi, mais non, après des délires c'est surtout à venir, c'est surtout il y a des belles scènes qu'on aimerait bien faire et on espère pouvoir les faire et pouvoir s'amuser, partir un peu en tournée, être tous entassés dans le camion et puis, ouais. Et puis supporter l'autre à côté parce qu'il sent pas toujours très bon. Quoi. Ah, on parle de toi, Benjamin. C'est ça. La vie en communauté. Bon, il y en a un qui sent pas bon, mais on ne dira pas lequel. Hein. Voilà. Bon, moi, des fois, après un lendemain de soirée un peu trop arrosé, j'ai tendance à avoir des petites périodes où je ne sens pas très très bon, on va dire. D'accord. Non, okay. Bah, c'est sûr qu'après, à 7 dans un camion, pendant 7 heures de route, c'est pas forcément toujours évident. Ouais, mais c'est une aventure, c'est mais vrai. Voilà, que la tournée, c'est vous avez parlé tout à l'heure de dates assez. Où vous allez assez loin quand même, vous tournez là où on vous appelle, comment ça se passe? Qui c'est qui démarche le... Ben, en fait, on a quelqu'un là qui nous a publié d'ailleurs. Justement. Voilà, Nénette, dont on parlait tout à l'heure, la trompettiste, la saxophoniste. Saxophoniste. Tu vas te faire engueuler, toi. Oui, ça c'est sûr. Oui, effectivement, c'est pas un cuivre, c'est un bois. C'est un bois, ouais, tout à fait. C'est Nénette qui démarche tout, enfin, qui a envoyé plus d'une. Elle fait un boulot de dingue. Un boulot de dingue, ouais. Elle a envoyé 700 ou 800 mails. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc, et voilà. Donc, elle rappelle qu'il y a un concert dans 15 jours. Oui, hein. Vous n'aviez pas l'air d'être au courant. Merci. C'est la fin de semaine pour tout le monde. Donc, dans 15 jours, ce sera le samedi 19. Ouais, parce qu'on est le 4. La Riche. Ouais, la Riche du côté de Tours. Voilà, donc c'est Nénette qui nous a envoyé ce petit message sur le Facebook de l'émission Mavrika. On a aussi, on va reparler de lui, parce qu'il y a Christophe Denacker, vous le connaissez, non? C'est le guitariste du groupe Prisma. Voilà. Donc, justement, avec Prisma, il y aura bientôt le Krixfest. Donc, c'est l'association de Christophe qui va organiser un concert. Et le concert, il y aura donc, pour le Krixfest, il y aura Dark Revenges. Il y aura Broken Arms, il y aura Prisma, ça sera le 26 février 2022 à Cléry-Saint-André, donc c'est à 19h. Il y aura forcément l'obligation d'avoir le pass vaccinal, ça c'est obligé, et puis il y aura aussi le port du masque. Alors ça ouvre à 19h et c'est 10€, donc 3 groupes pour 10€, ça vaut vraiment la peine d'y aller, en plus des groupes qui envoient bien, donc voilà. Vous les connaissiez, ces groupes-là? Absolument pas. Bah, voilà. Mais ouais, moi, j'avais regardé, parce que la fiche a l'air sympa. Ouais, donc, et puis, ils se demandaient s'ils allaient pouvoir le faire. Et c'est pour ça qu'on fait un petit peu de publicité pour ce concert-là, parce qu'en ce moment, il y en a tellement peu. J'espère que le peu qu'il y a, il y en a, se maintiennent. Ouais, c'est ça. Donc là, les conditions, il a été très content, parce qu'il avait déjà organisé ça depuis pas mal de temps. Il était très content, justement, de voir que ça allait vraiment se faire. Donc, je suis en train de regarder samedi 26 février 2022 à 19h02. C'est précis. Voilà. C'est pour que ça commence à 03 par contre. Ouais. Hein. Donc voilà. Très bien. On embrasse très fort notre ami Christophe et puis Nénette aussi. Hein, ça fait plaisir. Puis n'hésitez pas à nous mettre des petits messages. Hein, ça nous fait toujours plaisir de voir ça. Et puis il y a toujours des petits j'aime en plus. Donc Hervé Vévouille, qui est le batteur des Chilibug. je connais qu'eux en plus. Non, ça va me revenir. Et Philippe Bartin, qui est aussi le batteur des Goodbye Watson, voilà. Et donc Hervé, c'est les Yeti, voilà. Je ne connais qu'eux en plus. Si on a le temps, on essaiera de passer des morceaux des groupes qu'on cite. En attendant, on va écouter un petit peu de musique. On va continuer avec un autre groupe qui s'appelle Onion Jack. C'est C'est ça. Union Jack. Donc tu veux nous en parler un petit peu, Ben ? Des potes de Paris qui tournent depuis assez longtemps. Un groupe qui part autant sur la scène ska-core que sur le punk rock. Et vraiment un groupe vraiment top à voir en concert. Et vraiment des gens adorables. Des gens adorables, oui. Qui sont aussi adorables, qui font de la bonne musique. Donc c'est pour dire. Souvent, j'ai remarqué, les gens les plus sympas, c'est ceux qui font de la meilleure musique. Vous n'avez pas remarqué aussi? C'est surtout qu'ils peinent moins à tourner, parce que les assos peinent moins à les organiser, parce qu'ils sont contents de les accueillir. C'est vrai, hein. Bon, on va écouter tout de suite les Union Jack sur Radio Arc-en-Ciel dans l'émission Mavrika. We're just fucked, this time is fucked up. New under the wall. Not a human, nothing, paper dies. Everything got a price. Even securities are like merchandise. Every activity is a need to stop and benefit. Let's create unity, discussion on the game. This is a rich one's sickness. They can feel that the business is, but we're not taking to the homeless. I'm so sick of the human weakness. The part of it to sit perpetuating things that is great. Perfect is a shine, is a first priority. Voilà, des morceaux qui vont très vite. Hein. Effectivement, on a parlé d'eux tout à l'heure. C'était les RNCs avec un morceau qui s'appelle Muscle Body. J'espère que je l'ai bien dit en anglais. Voilà, bon. En tout cas, eux, ils le disent beaucoup mieux que nous et beaucoup plus vite. Hein, pas forcément. Que, mieux, je sais pas. Ah, ça envoie bien. Moi, je sais que je les ai vus à plusieurs reprises déjà en concert. Et franchement, à chaque fois, c'est vraiment un plaisir de les retrouver. Et en plus, c'est des gars super gentils. Je sais pas si vous connaissez bien. Ah, oui, c'est très, très bien. C'est souvent le cas, d'ailleurs. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On voit des gens, des fois, dit voilà, des fois, on se méfie un petit peu de leur apparence et tout ça. Et souvent, c'est les gens les plus gentils. Hein. Moi, je sais que ma maman, elle écoute l'émission et puis elle me dit comme ça, ouais, mais tu reçois des groupes de rock, des fois il y a des punks, des fois il y a des mecs avec des cheveux longs et des barbes et tout ça, des tatoués. Elle dit, bah, tu sais pas, maman, ces gens-là, ils sont comme ça, c'est leur style. Mais en vérité, bah, ils ont des enfants, ils vont les chercher à l'école, c'est des pères de famille, des mères de famille, des gens qui sont tout à fait très gentils. Et souvent, sur scène, justement, c'est l'endroit où... Ils se lâchent. Ils se lâchent, voilà, c'est ça le truc. Donc la plupart du temps, c'est vrai que moi j'ai été à beaucoup de concerts, même bon, c'est quand j'ai commencé l'émission Marika, j'étais à beaucoup de concerts de punk et tout ça, et des fois je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Et finalement, je me suis rendu compte que bah, les mecs, ils étaient super sympas, et c'est super ambiance, et voilà, et à chaque fois, ça s'est super bien passé. J'ai jamais vu une bagarre. Il y a quand même un côté humain dans la scène punk qui est quand même assez sympa. Ça paraît très très farfelu vu d'extérieur, mais en fait c'est assez bienveillant comme scène. Un côté très tolérant, ouais. C'est une scène très très tolérante, très ouverte d'esprit. Il y a pas de jugement en fait. Oui c'est vrai. On dirait des grosses brutes, mais non. Oui, bah justement, c'est ce que je disais. Quand on ne connaît pas, on peut croire ça, mais pas du tout, absolument pas. Donc c'est vraiment c'est des gens qui aiment bien la musique, qui aiment bien se défouler un petit peu, boire un coup ensemble, se retrouver. Hein. Les concerts, c'est aussi un endroit où on peut se retrouver. Et là, ça commence à nous manquer sérieusement, en tout cas. Oh oui. Voilà, donc on attaque bientôt la dernière heure de l'émission Mavrica. Hein. Le temps passe très vite. Hein. C'est vrai que 3 heures, c'est rapide quand même, surtout quand on est des invités. Donc, on a découvert donc pas mal de choses, des morceaux que vous nous avez amenés. On a encore 2 morceaux à écouter de vous. Hein. Ouais. 2, ça fera 4 en tout, parmi les 12 de l'album qui vont sortir bientôt. Alors, l'album, il sort quand exactement? La date exacte, ça dépendra de la boîte de pressage. Déjà. D'accord, ouais. Donc c'est ce que tu nous disais tout à l'heure. Et donc normalement courant mars, là, on attend de se mettre d'accord avec les labels qui nous suivent pour la sortie de l'album. Et normalement, oui, d'ici le mois de mars, en CD, en tout cas, il devrait sortir. Je vais vous demander aussi une question. Alors j'ai ma petite idée, mais c'est peut-être pas ça. Hein. Quelles sont les 2 couleurs qui illustreraient le mieux votre univers? Le noir et le blanc. Je sais pas pourquoi, mais je m'en doutais un petit peu. Le rose. C'est vrai que le noir et le blanc, c'est la couleur du ska. Hein. Ah, c'est vrai que les quadrillages, voilà, c'est exactement ça. Ça vient d'où, vous savez, d'où ça vient ce truc-là quoi. Alors d'où ça vient exactement, moi, je pourrais pas dire. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est vraiment les couleurs, le noir et le blanc. D'ailleurs, on le voit sur l'affiche hein, que vous avez fait. Donc Turn Off, j'ai pris le logo et c'est pareil sur la couverture de votre disque, c'est un peu la même chose aussi. Tout à fait. Noir et blanc. C'est principalement noir et blanc la pochette. Après, ça dépend aussi un côté un peu sombre de ce qu'on peut vivre au quotidien, mais oui, c'est quand même assez. C'est principalement les couleurs noir et blanc. Oui. D'accord, bah on retient ça, hein, noir et blanc. Parce que dans l'émission Mavrica, on accepte toutes les couleurs et certains disent le noir et blanc, c'est pas les couleurs. Nous, on l'accepte. Et puis, il y a aussi la couleur Joker, c'est la couleur arc-en-ciel, qui est toutes les couleurs réunies. Parce que des fois, les gens, ils ont du mal à trancher. Le vert, oh, je veux un du bleu. Ah bah non, moi, je veux du rose. Je suis daltonien, donc je vis bien. D'accord. C'est pas de la musique de licorne. Tu vois les couleurs ou tu les vois pas du tout? Non, c'est surtout les nuances qui verdouillent un peu, qui sont pas toujours très, très... Ouais, parce qu'une fois dans l'émission, on parlait, c'était avec David des Drunkers, un groupe de punk que tu connais peut-être, ouais. Non? Les Drunkers qui sont de Paris, hein, qui sont venus ici, qu'on a retrouvés à des concerts et tout ça. Et lui, il ne voit pas du tout les couleurs. Donc il nous avait raconté une histoire où il avait acheté un pull vert et puis il avait dit au gars, moi je veux toutes les couleurs, mais pas le rose. Hein, le rose, je déteste ça. Et donc le gars, il lui a vendu un pull rose en lui disant que c'était vert. Et lui, tout content, il l'a mis. Et puis... quand les gens sont commencé à se moquer de lui, il est retourné voir le gars et puis c'est pas très bien passé. Donc voilà, il faut pas se moquer des gens qui voient pas forcément. C'est vrai que c'est un handicap, on s'en rend pas compte, c'est quelque chose qui est pas, oui, après, c'est on pas vit, trop, c'est pas, oui, on vit avec, on vit avec, façon, oui, lui il voyait pas du tout, hein. Il voit que des nuances de gris, il y a pas du tout de couleur, là, c'est de donc plus, là c'est plus, carrément plus, mais bon, c'est vrai que bon après comme on me dit, bah, ça te fait quoi de pas voir telle couleur, ouais. Toujours vu comme ça. Donc quelque part, bah oui, je vois pour pas toi, comment, ça te, parce que je vois pas ce que ça change. Donc, ça de ça semble normal, voilà. Donc tout à fait. Et pour les feux rouges, c'est parce que c'est allumé en haut ou c'est allumé non, en bas? Non, je le vois. Ah, tu je vois quand vois même. Rouge et ouais, je parce vois que bien. Après, il y a plusieurs formes aussi. Oui. Il y a certains. Je crois qu'il y a trois formes. Ouais. Vrai, dans vraiment trois catégories de daltonisme. Et puis après, je crois que ça se redivise, mais c'est... Ouais, ouais, donc c'est pas... Moi, je crois que c'est pas, si je dis pas de bêtises, il me semble que j'ai un problème avec le vert. D'accord. Et après, ça se divise par rapport à ça, mais c'est le vert qui veut pas trop. D'accord, donc c'est la couleur de l'espoir, c'est dommage. Hein. Ouais, comme quoi. Comme quoi. Attends, j'aime bien, j'aime c'est pas parce que tu vert, la vois pas qu'il l'est pas là, donc il y a quand même l'espoir, voilà, c'est con. Très bien, donc voilà, les deux couleurs qu'on retient, c'est le noir et le blanc, la couleur du ska. Hein. C'est vraiment. C'est, vous revendiquez comme un groupe de ska? Non. Non, c'est-à-dire, le ska fait partie de votre musique, mais tout à fait. C'est. Quel nom on pourrait donner justement à votre style? Ah. Eh ben, c'est la question qu'on nous pose. C'est du turn-off. Le jour où on pourra dire, voilà, c'est turn-off. On a tendance à dire un peu ska-punk parce que c'est un peu généraliste comme ouais. terme. Rock cuivré aussi. Voilà, rock cuivré, ouais. Rock cuivré, punk cuivré. Comme on a pas mal de styles de morceaux, c'est pas ouais, vraiment... c'est pas évident. Donc c'est pour ça qu'on se met un peu dans la classe du ska-punk, mais ça veut un peu tout et rien dire. Quoi. C'est... Mmh. On fait autant du punk cuivré que la fait chanson du ska, rock punk, cuivré, rock cuivré, en fait. Sauf qu'à un moment, c'est long à mettre sur les affiches. Mais... C'est ça. Et puis, c'est marrant, parce que tout à l'heure, on parlait aussi des groupes espagnols. Et c'est vrai que là-bas, le ska a bien pris. Hein, ouais. Ça a bien épousé la musique. Peut-être qu'ils avaient déjà ils utilisaient déjà des cuivres. On pense, par exemple, aux musiques du Pays Basque, tout ça, où il y avait des cuivres. Il y avait déjà ce truc rock cuivre. Les bandas. Plus, ouais, les bandas, voilà. Et donc, le ska est arrivé. Et finalement, ils l'ont très bien adopté. Il y a beaucoup de groupes. Énormément en Amérique latine aussi. Il y a beaucoup de groupes de ska. En Amérique latine, c'est impressionnant. Puis en fait, ils ont tous leurs pattes aussi. On a remarqué que suivant les pays, en fait, on arrive à reconnaître un peu le ska selon comment il est joué. Surtout par rapport au cuivre. Ouais. C'est assez impressionnant en fait quand on tend vraiment l'oreille et qu'on écoute pas mal de ska. Mmh. C'est vrai que ouais, on voit ces petites différences qui sont assez sympa quoi. D'accord. On va continuer à écouter un peu de musique. Alors, qu'est-ce que j'ai calé derrière? Alors, justement, tout à l'heure, il y avait notre ami Christophe, donc on va passer un petit morceau de Prisma. Vous ne connaissez pas, donc comme ça, vous allez le découvrir. Non, hein. Vous allez le découvrir. Alors, c'est un rock qui. C'est rock, style rock FM. Ça vous dit quelque chose? Donc, les groupes à une époque, dans les années 80, il y avait des groupes qui faisaient du métal, il y avait des groupes qui faisaient du hard rock, tout ça. Et ça s'est mélangé avec les synthétiseurs. Et à ce moment-là, il y avait effectivement du rock qu'on écoutait assez souvent dans les radios. Et ils ont eu envie de faire revivre ce style-là. Donc, le groupe Prisma. Et on va écouter un morceau qui s'appelle Rock Now. Donc le troisième morceau du groupe invité de cette émission numéro 496. Voilà, c'est le groupe Turn Off. Ils sont là dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Donc le groupe n'est pas au complet. Ils sont quatre qui représentent le groupe qui normalement contient sept membres. On va les reciter tous. Hein. Alors ce soir, il y a est-ce que t'as bien Renaud. Il y a Marie. Oui. Ben. Et Antonin, voilà, j'ai noté. Et pour les autres, donc il manque Annette, Jérôme et Charles. Voilà, donc le groupe au complet avec tous les musiciens, donc batterie, guitare, basse, clarinette, saxophone. et trombone. Ah oui, saxophone et trompette. Il n'y a pas de clarinette. Trombone. Et trombone, voilà. Voilà, le groupe au complet. Donc, on a vu que ça envoyait bien. On vient d'écouter un morceau qui s'appelle James Carter. Alors, ce nom-là, pourquoi? C'est un petit peu un foutage de gueule pour les films américains. Voilà, où il y a toujours un super-héros américain qui bah, enfin, il y a 150 morts et il y a un survivant. C'est l'américain. C'est ce James Carter. Enfin, ça aurait pu être un nom. Oui, c'est un nom bateau. Voilà. C'est un peu. Il y a un acteur comme ça sur lequel on joue beaucoup, c'est Chuck Norris. Voilà. Il y a un Steven truc, Seagal. C'est le Steven Seagal ou le Chuck Norris, voilà. En concert, on a un sample qu'on met toujours pour ce morceau-là, qui prend justement un extrait d'un film avec Steven Seagal. Où son un de ses ennemis dit que c'est un mec qui serait capable de boire un bidon d'essence pour aller venir pisser sur ton feu de camp. Donc ça c'est imagé pour. Très bien, en tout cas l'expression est superbe. Ça fait un peu encore plus fort qu'Audiard. Hein. Oui. C'est cool quand même pour les films de Steven Seagal que ça soit plus fort qu'Audiard. Non, Audiard avait des super répliques aussi. Donc, c'est pour ça qu'on avait envie de le citer. Voilà, tout simplement. Très bien, donc votre Chuck Norris à vous, c'est James Carter. Voilà. C'est ça. James Carter. Donc dans les films américains, c'est souvent le cas. C'est un peu les westerns où il y a les Indiens qui tirent, ils tirent tous, mais ils l'ont pas. Par contre, lui tire un, et il y en a cinq Indiens qui tombent d'un coup. Et puis là, c'est le côté abrutissant patriotique de l'Américain qui vient sauver toujours, qui sauve la jeune fille, et en même temps qui sauve l'Amérique toujours. Ouais. Mais ils étaient où le jour de l'attentat? Ils étaient où? Je pense qu'ils étaient en vacances. quand il y a des drames, des choses comme ça, on dit mais ils étaient où les super-héros qu'on voit dans les films? Ils n'étaient pas là, voilà. Mais par contre, il y avait d'autres personnes qui n'étaient pas forcément des héros au départ, qui se sont révélés, voilà, parce que il y a aussi dans chacun d'entre nous des héros tous les jours. Hein. Voilà, ce qu'il faut, c'est surtout aider ses prochains. Hein, c'est la chose la plus importante. Voilà. Donc, et puis juste avant, c'était donc le groupe Prisma, donc avec notre ami Christophe, qui organise donc le Creekfest dont nous avons parlé tout à l'heure, le 26 février. Le 26 février, je me souviens. 19h02. Ouais, et c'est l'endroit exact, il faut pas que je me trompe, à Cléry-Saint-André. Voilà, je cherchais le nom. Voilà, donc, on va continuer à écouter la bonne musique, à continuer à découvrir aussi le groupe Turn Off. Alors, il y aura un concert, on va le rappeler quand même aussi, hein, dans 15 jours. Alors, c'est à quel endroit je peux le retrouver hein, le si 19 vous... février. À La Riche. À la Roqueira. Oh, d'accord, ok. Elle apostrophe. Hein. À La Riche, du côté de Tours. Voilà. C'est donc Nénette qui nous a rappelé ça. Très bien. Donc, vous continuez à nous faire des petits coucous, ça nous fait plaisir. Donc, voilà, on va continuer. Tiens, il y a Christian, il y a Georgia, il y a Philippe du groupe Prisma, d'ailleurs, David McLean aussi. Tiens, David, il va falloir qu'il revienne aussi dans les studios Radio Arc-en-Ciel pour nous parler de son actualité. Adrien, tiens, une personne que je connais bien. Philippe Bertin, tout à l'heure, on l'avait déjà dit. Hervé, Eric aussi, Eric Duval, qui était chroniqueur dans l'émission pendant pas mal de temps, donc toujours avec sa poésie. Nénette, Stéphane du groupe Frisson, Julie, Brigitte, on l'a dit. Bon, les autres, voilà, merci en tout cas pour le petit coucou, ça fait toujours plaisir de savoir qu'on est écouté et qu'on nous envoie des petits messages comme ça. N'hésitez pas, pendant toute la semaine, le Facebook est ouvert aussi, hein, donc vous pouvez envoyer des messages s'il y a des morceaux que vous avez envie d'écouter. Tout à l'heure, ça m'a fait plaisir d'écouter RN6, surtout que j'avais proposé d'en mettre un, et puis j'avais pas le CD aujourd'hui. Donc je me suis dit, bon, la prochaine fois, je le mettrai, et puis finalement, c'est Ben qui en a rapporté un morceau des RN6. Donc on a encore quelques petits morceaux à écouter. Alors moi, j'ai calé plusieurs trucs. Tout à l'heure, on a écouté aussi les Goodbye Watson. Vous les connaissez, non? Non. Donc les Goodbye Watson, qui est un groupe de la région de Tours, hein, qui a participé à un Maverick Live il y a pas très longtemps, et qui justement dans une compilation de Roxette avait repris une chanson d'autres artistes, hein, puisque c'est une compilation. Je sais pas si vous connaissez Roxette, donc c'est une émission de radio dans laquelle ils reçoivent des artistes un peu comme nous, ils font à peu près l'équivalent, et sont venus ici dans notre émission parce que c'est vrai que c'est bien de parler aussi des artistes de Tours. Nous en avons pas mal qui viennent aussi dans l'émission Maverica, et donc le fait d'avoir fait une compilation avec plein d'artistes de Tours, même il y en avait un d'Orléans, et ils ont eu l'idée de ils mettaient tous en commun un de leurs morceaux qui était repris par un autre groupe. Donc le morceau qu'ils interprètent n'est pas un morceau d'eux, mais d'un autre groupe qui fait partie de la compile. Donc j'ai trouvé que l'échange n'était pas trop mal. Et le morceau que je propose qu'on écoute, bah justement, il n'apparaît pas, mais je vais me tourner de l'autre côté, puisque j'ai des ordinateurs, j'ai des écrans dans tous les sens, on est super moderne sur Radio Arc-en-Ciel. Donc, il n'est pas marqué non plus, hein, j'ai dû marquer ailleurs. Voilà, on va y arriver. Donc c'est Friday Night. Donc Friday Night, un morceau de Goodbye Watson que je vous propose d'écouter tout de suite. On y va ? Très bien. C'est parti. Every day the same routine. Well, I know that you hate the pushing, and that's the rushing. You feel the crushing, it stops you touching. The reasons you wake up. And I know that you feel rejected and not respected. Your thoughts collected and then dissected. Me and you have had enough. One day you know you gotta be boys, boy. When that'll be the end of it. One day you know you gotta be boys. Whoa, oh, oh, oh. One day you know you gotta be boys, boy. So don't make the most of it. Until that day you gotta be boys. We need to find ourselves some corrections before we fill the grave. One day you know you gotta be boys, boy, and that'll be the end of it. One day you know you gotta be boys. Whoa, oh, oh, oh. One day you know you gotta be boys, boy. So go make the most of it. Until that day you gotta be boys. You said now. Be bones. Voilà, encore de la bonne musique sur Radio Arc-en-Ciel, une découverte. Donc, c'est des Random End avec Bones. C'est toi, Ben, qui nous a apporté ce morceau-là. Tu veux nous en parler un petit peu? Un groupe anglais. Anglais. Super, super bon groupe. Pareil, assez énergique en concert. Les mecs ont. On voit quand même assez bien le chanteur et fait aussi le trombone sur scène. Donc le mec a quand même un bon souffle avec le débit qu'il a plus le cuivre. Mmh. Et c'est un morceau sur lequel on s'est un peu basé sur certaines choses pour le mixage, justement avec, avec Lexa qui s'en occupait. Donc c'est un morceau qui a servi un peu à l'album aussi au passage. D'accord, bah, superbe morceau en tout cas, superbe morceau d'un groupe anglais qu'on découvre dans l'émission Mavrika. Alors, dans l'émission Mavrika, habituellement, si vous avez envie d'amener vos instruments, vous pouvez les apporter et interpréter des morceaux en live. Aujourd'hui, ça n'a pas été le cas parce que bon, c'est un petit peu compliqué. Puis vous êtes un groupe qui joue en amplifié, qui joue avec des cuivres, avec une batterie, donc ça fait beaucoup de bruit. Et donc, pour la première fois où vous venez dans l'émission Mavrika, effectivement, vous avez pas de live. Par contre, la semaine dernière, il y en avait eu un ici, donc avec Max De Giovanni, qui était venu avec sa guitare. Il nous a fait une interprétation en direct live, donc ça nous fait plaisir. Je propose de l'écouter, ça vous dit ? Avec plaisir. On va écouter donc Max De Giovanni avec un super morceau. C'est d'ailleurs, j'essaie de retrouver le morceau parce que ah voilà, il est là, il est déjà calé hein, c'est pour ça que j'avais pris un petit peu d'avance. Alors c'est un enregistrement dans Live Mavrika numéro 495, donc le numéro de l'émission. Le morceau s'appelle Une dernière fois et ça a été pris one shot hein, vraiment c'est il y a pas d'effet, il y a pas de mixage, c'est le son tel qu'il est sorti, tel qu'il est passé à l'antenne la semaine dernière, donc avec notre ami Max qui est venu de Bayonne pour défendre la sortie de son album qui s'appelle Le Fou. On écoute tout de suite. À toi, à ma mère, j'ai peint, m'y perdre, pouvoir tout oublier. Marcher seul dans ces sentiers sans fin, dans la pénombre, me cacher pour pleurer. M'enivrer encore une fois de trop, ne plus penser, ne plus faire semblant. Dernier théâtre, dernier bistrot, me foutre du jugement des bien-pensants. J'aimerais grimper sur le toit de ce monde pour crier, hurler toute ma haine. Quitter cette terre pas si ronde, mon cœur brisé, cassé par tant de peine. Je voudrais me perdre au milieu des pins, m'y perdre, pouvoir tout oublier. Marcher seul dans ces sentiers sans fin, dans la pénombre, me cacher pour pleurer. Me perdre au milieu des pins, m'y perdre, pouvoir tout oublier. Marcher seul dans ces sentiers sans fin, dans la pénombre, me cacher pour pleurer. Je suis seul au lieu de tout ça, allongé dans ce lit, les mains posées sur mon torse. Des fleurs fanées posées là, sans honneur, sans personne et sans force. Les néons clignotants qui m'aveuglent, mes rêves communiquent, comme unique compagnon. Pas de Dieu à prier, dernière main dans ma gueule, la solitude comme dernière sensation. Je voudrais la revoir une dernière fois, entendre le murmure de ses vagues, repenser à toi, à ma mère, la douceur de sa main. Donc un moment magique enregistré dans l'émission numéro 495. C'était la semaine dernière, Max De Giovanni était venu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel nous interpréter une dernière fois. Donc c'était pas, j'espère que c'est pas la dernière fois qu'il viendra dans les studios. Mais en attendant, cette chanson s'appelle Une dernière fois. C'est une chanson pleine, très émouvante. En tout cas, il nous a fait ressentir beaucoup d'émotions dans cette émission la semaine dernière. Cette semaine, c'est le groupe Turn Off qui est ici dans nos studios. Et puis on a encore plein de choses à découvrir avec vous. Alors vous êtes à la radio, est-ce que vous avez envie de faire passer un petit message auprès des auditeurs? Ben, venez au concert quand ça recommence. Voilà, ça c'est bien parce que les gens, en ce moment il n'y a pas de concert, donc ils disent il n'y a pas de concert et tout ça. Mais il faut savoir qu'à un moment où il y avait des concerts, il y avait des gens qui essayaient de se démener pour faire venir des groupes, pour essayer de faire des choses bien comme il faut. Et des fois on était un petit peu déçus du nombre de personnes. Donc j'espère qu'après justement la pandémie, quand les concerts seront là, ben, les gens ils auront envie de se défouler et ils iront justement participer à tous ces concerts. C'est très important. Bah, ça vient que la flemme générale se calme un peu et que tout le monde vienne un peu en concert. Oui, ils parlent du syndrome de la cabane. C'est-à-dire que les gens ils sont habitués tellement à être chez eux que maintenant ils ne bougent plus de chez eux. Ils ont même peur des gens à l'extérieur. Donc, après, on voit même entre nous déjà. Hein, on sent qu'il y a des fois où on a moins de motivation qu'avant. On est un peu plus casanier. On a plus de mal. Il faut faire un petit peu violence pour sortir. Mais bon, quand on sort, quand on va au concert, souvent, après, on passe un bon moment et on le regrette pas. Voilà. Et puis ouais, et puis c'est important de soutenir aussi ce qui se passe dans le coin, parce que mine de rien, il y a quand même derrière tout ça des gens qui font énormément d'efforts pour organiser des soirées, des concerts, des petits festivals, des groupes qui se donnent à fond aussi pour participer à tout ça. Et c'est énormément de travail, c'est énormément de temps consacré à l'organisation de tous ces événements. Et c'est vrai que les gens se plaignent qu'il n'y a jamais rien, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire dans le coin. Et faut pas hésiter, quoi. Mmh. Donc on va remercier Christophe avec le Creekfest. On va remercier le Son des Blés. C'était là qu'on vous avait vu. Merci la première Lolo, fois. Ouais. Et en tout cas, c'était super bien. Donc voilà, Lolo qui organise ça avec d'autres personnes. C'est toute une association. Le Son des Blés, j'espère qu'ils vont repartir aussi. Et puis il y en a d'autres dans la région. Il y a je crois qu'on l'avait vu. Je crois que je t'avais vu déjà au festival Traquenard. Oui. Tu vois. Ah oui. Avec les Burning Heads, justement, il me semble que c'était avec eux. Donc voilà, et finalement, quand on va au concert, on voit des personnes, et on voit toujours plus ou moins les mêmes. Et petit à petit, c'est aussi des gens qu'on finit par rencontrer, on discute, on a la même passion. Donc ça passe très vite. Et puis voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc il faut sortir, il faut aller au concert. On vous encourage vivement à le faire et puis encourager donc les groupes. Et puis voilà. Rien que le fait d'être là, c'est déjà participer à l'aventure musicale. C'est déjà faire vivre la scène, quoi. Ouais, c'est ça. Très bien. D'autres messages personnels que vous avez envie de faire Non, c'est bon. C'est déjà pas mal. Allez, salut Nénette. Oui, un grand merci à Nénette pour tout son travail de com, pour démarcher les lieux, etc. Et ben, c'est vraiment énormément. Donc, merci Nénette. c'est beaucoup de travail. Et c'est vrai que les artistes, souvent, ils ont besoin de se concentrer justement sur la partie artistique. Donc, le chant, la musique, la composition, les enregistrements et tout ça. Et puis, démarcher, tout ça, c'est un travail supplémentaire. C'est quelque chose de terrible. Donc, c'est ingrat parce que... C'est ingrat, ouais. Elle envoie des centaines et des centaines de mails. Elle n'a quasiment jamais de réponse. Comment dire Ouais, elle perd un petit peu espoir des fois de se dire que bon, sur 600 mails envoyés, elle va avoir 10-15 réponses. Ou alors, même si les gens répondent, c'est pas forcément pour des bonnes nouvelles. Enfin, ils sont peut-être déjà bookés, etc. Donc, ouais, aussi. Donc ouais, c'est un travail assez... Un groupe amateur, c'est beaucoup de boulot. Ouais. Bah oui, parce que forcément, vous n'êtes pas forcément connu par tous les gens. Si effectivement vous commencez à tourner un peu plus et tout ça, les gens commencent à vous connaître, on commence à avoir envie de vous recevoir. Mais au début, c'est vrai que forcément, les gens peut-être ne vous connaissent pas dès le départ. Donc forcément, ils ont besoin de chercher. Et dès qu'on demande aux gens de faire un peu de recherche, ça les saoule. Ils veulent des choses. Non, alors qu'ils devraient s'intéresser justement au groupe. Et puis aujourd'hui, il y a tellement de groupes qui proposent que finalement ils ont l'embarras du choix et puis voilà. C'est ça, on est noyé dans la masse, des petits groupes qui essayent de jouer, ouais. De faire de la scène, quoi. Et pourtant on sait qu'il y en a des très bons quand même dans la région. Oui. Moi je sais que quand j'ai commencé l'émission il y a 11 ans, je pensais qu'il y avait je voulais recevoir des gens dans l'émission pour parler de leur projet et je me suis dit bon, je vais vite faire le tour sur Orléans, il y en a pas tant que ça. Et je me suis bien trompé, hein, parce qu'aujourd'hui, presque 500 émissions, j'ai reçu plus de 250 projets, je suppose, à la louche, hein, comme ça. Et j'ai pas fait le tour. Il y en a encore plein que je découvre, et avec beaucoup de plaisir, en plus. Et puis, il y a plein de projets qui se montent tout le temps, d'autres qui s'arrêtent, d'autres qui redémarrent, qui redémarrent aussi sous d'autres noms. Voilà. Même si c'est les mêmes, et on a aussi des groupes qui se composent avec des membres d'autres groupes qui ont clashé. Et puis, voilà, c'est comme ça que ça avance, hein. Et puis, moi, je sais qu'à chaque fois que je fais une émission, on fait une petite affiche. Vous allez en avoir une tout à l'heure sur laquelle vous allez mettre une petite dédicace, c'est le livre d'or et je garde ces papiers-là. Et donc j'ai plusieurs albums dans lesquels j'ai l'affiche, il y a l'affiche et puis vos petites dédicaces en dessous. Et en les faisant tourner, je dis tiens, ce groupe-là, ouais, il était bien, il n'existe plus, C'est vrai qu'en 11 ans, ça peut aller très vite. Hein. Et on n'a pas fini, heureusement, on retrouve des membres, comme tout à l'heure, là, tiens, je regardais, tiens, on a des petits messages, on va en lire aussi, ça me fait plaisir. Voilà. Alors Benoît, c'est simple, hein, c'est le batteur. C'est le batteur. Il est venu avec beaucoup de formations ici dans l'émission, donc c'est quelqu'un qu'on connaît. Il est venu avec les Karens, avec les Stingers, avec plein de groupes différents. Et actuellement, c'est le batteur des Prisma. Il dit bonsoir à tous. Super émission avec un groupe génial. Donc c'est de vous qu'il parle. Hein, voilà, il écoute l'émission, Benoît, notre ami Ben, voilà, un deuxième Ben. Et merci d'avoir parlé de Prisma. Voilà, donc. Voilà, c'est un peu une famille, c'est des gens qui sont venus, que j'avais connus avec d'autres formations. Et puis après, j'ai vu aussi Prisma, pratiquement, il y a tous les membres qui m'ont envoyé un petit coucou depuis tout à l'heure. Donc effectivement, ils écoutent l'émission et ça leur fait plaisir de savoir qu'on continue de diffuser leur musique. Alors vous avez apporté 4 morceaux, et puis dans l'émission prochaine, je passerai un de vos morceaux, bien entendu, hein, comme on a l'habitude de le faire, et ainsi de suite. Hein, voilà. Ce qu'il faut, c'est continuer à faire vivre et à faire découvrir les bons groupes de la région orléanaise. Et plus, hein, parce que tout à l'heure, on a parlé de Camping Gaz, on a fait une interview alors qu'ils étaient en Espagne. On a reçu des groupes belges, on reçoit des artistes. Tiens, la semaine dernière, il est venu de pratiquement l'Espagne aussi, Bayonne, donc c'est juste à côté. Voilà, ça fait plaisir de savoir que les gens se déplacent pour venir dans l'émission Mavrica. Et parce que ça manque un petit peu quand même, les émissions comme la mienne, dans lesquelles on fait découvrir les artistes. Et ce qui est bien dommage, parce que tout à l'heure, on parlait aussi d'un petit coup de gueule avec les artistes qui sont pas forcément mauvais, qu'on n'a rien contre eux, mais qu'on nous rabâche à longueur de journée. Et c'est un petit peu dommage, parce que la culture française ne s'arrête pas à 10 artistes. C'est et c'est dommage qu'il y ait ces 10 mêmes artistes à longueur de journée. Toutes les heures, on a les mêmes, alors qu'il y en a plein d'autres qui demandent qu'à être diffusés. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, plutôt que d'avoir du bourrage de crâne, aller découvrir d'autres artistes. Quoi. Ça, ouais, donc après, ce que font les gens, c'était un petit peu dommage. C'était pourtant le rôle de la radio à l'origine. C'est qu'ils coupent la radio et puis ils vont découvrir par eux-mêmes. Et bon, il y a encore quelques émissions comme Maurica. Et dans d'autres radios aussi, ça existe. Hein. Il faut savoir qu'il y en a certains aussi dans la région qui font la même chose. Et on s'encourage entre nous, parce que franchement, il n'y a pas de concurrence. Nous, ce qu'on veut, c'est faire connaître les artistes qui passent chez nous. Et si un jour, on passait dans les grandes radios, dans les grandes télévisions, on dirait, on avait commencé par l'émission Mavrica, il était bien sympathique, et puis il a cru en nous. Donc voilà, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite, que ça continue comme ça, que vous ayez encore beaucoup de succès pour les années à venir. Merci. Voilà. On écoute encore un petit peu de musique. Donc, on avait calé aussi d'autres choses. Alors, tiens, on va écouter Decline. Decline. Decline, c'est en anglais, d'accord. Encore un groupe qui chante en anglais. Ouais, alors ce groupe-là, c'est... C'est un groupe français, si je ne dis pas de bêtises, du côté de Rennes, avec les anciens membres de Névrotic Explosion. D'accord. Et un groupe qui... part entre le punk rock et la chanson un peu folk, folk irlandaise. En gros, on a envie de boire de la bière en écoutant d'accord, ça. D'accord. Ouais, c'est bien sympathique, ça envoie bien aussi. Avec une très belle voix. D'accord. On écoute ce morceau-là et on va enchaîner avec un deuxième. Parce que tout à l'heure, on avait parlé du groupe Yeti. Et comme le nom n'est pas venu tout de suite, je me suis dit, on va quand même passer un morceau, parce que franchement, c'est un groupe que j'adore, et ils le savent, hein, parce qu'ils sont déjà venus à deux reprises dans les studios, je les ai déjà vus en concert, je ne sais pas combien de fois, et à chaque fois, je m'en lasse pas, et on écoutera donc deux morceaux enchaînés, on commence par Decline, et juste après, le groupe Yeti avec le morceau The Maze. Was it really me, or really me, trying to be C'était le groupe Yeti avec The Maze. Vous les connaissez, les Yeti, non? Il me semble qu'on avait fait une date avec eux à l'époque. Où, avec notre ancien groupe, avec La Bonne Excuse. Ouais, on avait fait une date avec eux. Du côté de Tigy. À Tigy, ouais. Effectivement, c'est possible. Donc, parce qu'ils tournent pas mal. Et à chaque fois, c'est vraiment un plaisir de les retrouver sur scène. Bah, moi, je les connais depuis pas mal de temps. Il y a eu quelques évolutions au niveau des batteurs, principalement. Oui, ça, il y avait le batteur qui quittait le groupe. Je crois qu'on avait fait un concert avec eux. D'accord, c'était lequel à l'époque encore? Je sais pas, parce que c'était Romain qui avait de TJ justement qui organisait le festival Traquenard, qui avait pris le relais sur un concert un peu à l'arrache, mais du coup ça l'avait fait quand même. Donc maintenant le nouveau batteur c'est Hervé, d'ailleurs qui nous a envoyé un petit message tout à l'heure, quoi qu'il nous a envoyé un petit j'aime en tout cas. Voilà donc le groupe Yeti avec le morceau The Maze. Voilà, on s'approche de plus en plus, on a encore plein de morceaux qu'on a calés, on a plein de choses encore à découvrir dans l'émission. C'est vrai qu'on a fait le tour à peu près de tout ce qu'il y avait à dire sur vous. Je pense qu'on n'a rien oublié, hein, dans l'essentiel. Sinon après il va falloir revenir dans une autre émission pour rentrer dans les détails. Et puis ça c'est voilà, dans quelques temps. Maintenant vous faites partie de la Mavericast Family, vous avez le diplôme. Hein. Super diplôme, magnifique. Moi je vais l'encadrer en tout cas. Mais je t'assure c'est vrai. Hein. Mais ça fait plaisir parce que là je regardais tout à l'heure, il y avait aussi Antoine Gauthier des Red Daff et je sais pas si vous connaissez le Caisson, un endroit où il y a aussi des concerts hein, parce qu'ils organisent aussi des concerts au Caisson. Et justement une fois on est arrivé et puis il y avait le diplôme qui était là dans la salle. Et puis j'ai été aussi dans des salles de répète des artistes où il est aussi affiché. Et même une fois, il était entre chez notre ami Joël Dubreuil, il était dans son salon entre un album des Beatles, je crois, et puis une autre chose, il y avait le diplôme de l'émission Mavrica. Donc voilà, ça fait plaisir de savoir que bon, c'est un petit diplôme dans lequel il y a écrit dans quelle émission vous êtes venu. Et donc voilà, avec la signature, hein, c'est quand même quelque chose qui aura beaucoup de valeur dans quelques l'émission années. Émission 496. 496. Oui. Ouais. On s'approche de la. Tiens, on va essayer de retrouver. Parce que tout à l'heure je l'ai dit, mais j'ai pas revérifié. Donc j'essaie de faire tout ça en direct live, parce que non, ben forcément je le trouve pas. On va essayer de le trouver, voilà. Alors parce que je me l'étais envoyé à moi-même, donc comme ça permet d'avoir toutes les dates. Donc aujourd'hui c'est la 96. Donc après il y aura le 11, ça sera Mourad 97. Roraima 98. Donc pour l'instant, on n'a pas encore le 500e. Ça arrive vite. Les autres, je vois des noms, mais pour l'instant, il n'y a pas la date de marquée, donc ça arrive très vite. Voilà. Donc la 500e de l'émission, dans le cas, c'est quand même quelque chose. Vous imaginez 500 préparations, 500 contacts avec les artistes. Et après, voilà, je prends une petite voiture avec tout le matériel, j'arrive ici, je m'installe là, et puis 500 émissions. Alors aujourd'hui, l'émission est dure de 19h à 22h. À une époque, elle commençait à 20h30 et elle durait jusqu'à pas d'heure. Hein. Et on a fait des émissions jusqu'à 4h du matin avec 40 morceaux en direct live, qui a été le record battu par les Classic Vibes. Donc, vous les connaissez, non? Je un petit peu. Musicalement. Ouais. Donc, eux, ils nous avaient fait, ils font beaucoup de reprises. Hein. C'est que des reprises, d'ailleurs. Et ils nous avaient fait plein de reprises. C'était super génial. Et on s'était laissé emporter jusqu'à 14h du matin, l'émission la plus longue de Mavrica. Voilà. Aujourd'hui, on est un petit peu plus sage. On a vieilli aussi un petit peu, parce que ça fait quelques années déjà. Mais on est toujours très content de recevoir des artistes. Ce soir, c'est le groupe Turn Off dans l'émission Mavrica pour la 496e, voilà. On avait fait tout le tour. Est-ce qu'il y a encore un sujet qu'on pourrait parler Non, je pense que c'est bon. Déjà pas mal. Hein. Ouais, c'est déjà pas mal. On a bien... Après, non. Donc, là, je pense qu'on a ratissé l'actualité et puis un peu l'ensemble du groupe. Mm-hmm. D'accord. On a encore des morceaux qu'on a calés. On a envie de les passer. Donc, ce qu'on va faire, on va écouter les morceaux et puis après, on en parle un petit peu aussi. Ouais. Ok, c'est parti. Quelques Voilà, encore deux groupes que nous découvrons dans l'émission Mavrika. C'est la première fois qu'on les passe dans l'émission Mavrika, ça c'est important. Hein. J'espère qu'ils passent quand même dans d'autres radios. C'est des groupes que tu m'as fait découvrir, toi Ben, donc tu vas nous en parler un petit peu. Donc on a les premiers groupes sur les deux, c'était le Tos et Staki, ouais. Donc des potes de Bourges, donc, qui c'est sur leur premier EP. Et puis qui tournent encore et on espère... qu'on aime beaucoup parce qu'on joue souvent avec eux et c'est vraiment des super bons copains. Et donc on espère pouvoir refaire plein de dates avec eux d'ici peu. Et Fine Test ID, un groupe pareil anglais qui très ska punk, ska core anglais. Avec des cuivres. Typiquement anglais avec des cuivres qu'on jouait dans plein d'autres groupes. Avec un trombone de fou. Voilà. Donc avec le tromboniste qui a joué dans pas mal d'autres groupes et toujours des super bons groupes. Donc une bonne référence actuelle. Surtout ce qui est ska punk anglais. Très bien, bah en tout cas, très bonne découverte ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, dans l'émission Mavrika. Plein de groupes de ska et de cuivre, des trucs qu'on n'a pas l'habitude d'écouter dans notre radio, quoi, finalement. Donc on est là pour ça. Très bien, on a gardé aussi un morceau pour la fin. Alors ce morceau-là, c'est votre morceau, hein, c'est le quatrième que vous m'avez apporté aujourd'hui, sachant qu'il y a un album qui va sortir donc au printemps et qui aura 12 titres. C'est ça. Voilà, qui s'appellera Déchaîne-toi. Déchaîne-toi, voilà. Alors, ce dernier morceau, on l'a gardé pour la fin, il s'appelle La valeur de l'enfance. Vous voulez en parler un petit peu? Alors, oui, on va en parler, parce que c'est assez important. Donc, c'est Les valeurs de l'enfance. D'accord, oui. Et je mets mes lunettes. C'est pas grave. Mais c'est que, du coup, je vais laisser parler Rino, qui s'exprimera certainement mieux que moi. Voilà. Là, pour le coup, le texte, c'est Anne Bobillier, notre ancienne trompettiste, qui l'a écrit. Super texte, qui rappelle bah, justement un petit peu les valeurs de l'enfance qui sont oubliées par certaines. Ça tourne autour de des textes sur la liberté, l'égalité et la fraternité. C'est un texte, il faut vraiment écouter les paroles. Moi, je les trouve magnifiques. Merci Anne. Oui, merci Anne. Merci pour ce texte, il était magnifique. Qui parle que quand on était enfant, on était souvent beaucoup plus ouvert d'esprit que quand on grandit. Et que quand on grandit, on devient souvent très con, au final. Comme par exemple, avant, on jouait avec des gamins quand on était enfant, on jouait avec n'importe quel gamin sans se soucier d'où il venait, de quelle nationalité il était. Mmh. Et en grandissant, on se pose plein de questions là-dessus qui sont juste complètement bêtes, alors que c'est des gens avec qui on jouait quand on était gamin et maintenant on les déteste juste pour leur nationalité. Ou pour leurs idées, pour plein de choses. Et du coup, c'est un peu pour dire que quand on était gamin, on était quand même vachement plus tolérant. Ouais, il ne faut pas juger les gens avant de les connaître et souvent. Au premier abord, il y a des choses qui viennent. Ça peut être la couleur, ça peut être la religion, la manière de s'habiller, voilà. Plein de choses comme ça. Le milieu social. Le milieu social, le handicap, de penser, ou des choses comme ça. Et des fois, il faut mieux essayer de connaître les gens avant de pouvoir les juger trop tout rapidement. Et donc, ça parle de ça. Bah, je propose qu'on l'écoute tout de suite et puis après, on en reparle à nouveau si vous voulez. Très bien. C'est parti. Yeah. Voilà, le groupe Turn Off, donc, avec le morceau Les Valeurs de l'Enfance. D'autres choses à rajouter? Moi, j'ai l'impression que vous avez raconté un peu mon histoire, parce que je me retrouve beaucoup là-dedans. Effectivement, j'ai eu de la chance, moi, je vois ça comme une chance, d'avoir été élevé avec des enfants de toutes les couleurs, de tous les pays, et on s'en foutait. Tout à fait. On s'en foutait. On s'en foutait. Je me souviens qu'il y avait des gens qui nous disaient comme ça, ouais, mais tu voyais même pas qu'ils étaient pas de la même couleur. Je dis, ben si, on le voyait. On s'en foutait complètement. On s'en fichait parce que c'était des copains. Ouais, voilà, on s'en fout. On savait bien qu'il était noir, l'autre il était. Voilà, mais on s'en foutait. Qu'est-ce que ça peut faire? L'important c'était qu'on s'amuse ensemble et puis voilà, c'est tout. Donc il n'y a pas de souci. Et c'est pas parce qu'on est différent qu'on ne peut pas s'entendre. Au contraire, des fois on peut que s'enrichir de la culture de l'autre. Voilà. C'est ça. Donc, en tout cas, superbe morceau, super bien interprété, super bien enregistré. Donc, je conseille aux gens d'acheter l'album qui sortira donc au printemps. Exactement. On espère. Courant du mois de mars. Donc, vous nous tenez au courant. On va rappeler l'adresse mail. L'adresse internet. Voilà, déjà. www.turnoff-6ska.com. Voilà, très bien. Il y a aussi le Facebook sur lequel on peut vous contacter. Voilà, et puis, Facebook, faut pas hésiter. Turn Off, la page Turn Off, tout simplement. Mm-hmm. Instagram aussi. On est sur Instagram. Ok, d'accord. Bon, après, on n'est pas des spécialistes non plus des réseaux sociaux, hein, donc on fait. Il y a que elle qui sait s'en occuper, en gros. Ma fille qui m'aide beaucoup. mais le fait justement d'avoir des contacts avec les gens, c'est vrai que les réseaux sociaux, bah, il y a des bonnes choses aussi. Ah oui, il n'y a pas que donc, des. Donc voilà, il faut savoir aussi que la radio aussi peut être très bien. La télévision aussi. Après, bon, c'est pareil que ça dépend des gens qui font les émissions. C'est comme tous les outils, ça dépend comment on s'en sert. Très bien, donc c'est ça, tout à fait. Donc ça peut être une bonne chose, mais sous de mauvaises mains, ça peut être aussi des mauvaises choses. Donc voilà. Donc on arrive à la fin de cette émission. On a l'habitude de dire des phrases magiques. Alors c'est le premier, c'est que le rock and roll soit avec vous. On dira peut-être le ska aujourd'hui ou le rock cuivré. Voilà. La musique, tout comme la musique simplement. Ouais, c'est vrai. Ska punk. Et puis deuxième, c'est Everything is gonna be alright. C'est en anglais, hein, voilà, un message d'espoir qui a été repris par beaucoup de musiciens et par le président Benjamin Franklin des États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il terminait toujours ses discours avec ces phrases-là, un message d'espoir que nous avons toujours. Et la troisième, c'est une vie sans musique serait une erreur. Complètement. Alors là, voilà. Entièrement d'accord. Ouais, ouais. Donc ça, c'est les trois qu'on a reçus, qu'on a retenus, mais on a eu d'autres pendant une époque. On en a écrit sur un petit carnet. Et bon, au fur et à mesure, si vous en avez d'autres à rajouter, vous pouvez le faire aussi. Donc voilà. Renoue les phrases. Enfin, les phrases. Ouais. Non. Après, la tolérance, c'est important. Voilà. Moi, c'est. Voilà. On en a parlé dans plusieurs émissions ici, et c'est tout à fait dans l'essence même de l'émission Mavrica. On aime les gens, venez comme vous êtes tous différents, et c'est ce qui fait aussi la force de l'humanité. Et c'est justement ce qu'on aime bien avec la musique ska punk, comme on l'entend, c'est que justement, comme on disait, c'est un peu un fourre-tout, c'est que tout le monde en fait peut en faire, tout le monde se retrouve, un lieu de tolérance, où en fait on accède beaucoup de styles musicaux de partout, toutes les influences, comme on peut avoir du ska punk italien avec des influences italiennes, des ska punk péruviens, des ska punk, enfin, c'est assez varié, c'est moins typé comme on pourrait dire que des fois on fait du punk rock, c'est souvent dans n'importe quel pays on fait du punk rock standard. Le ska punk c'est quand même vachement influencé aussi par les expériences, le pays, beaucoup de choses. Très bien, bah, super en tout cas. Donc on arrive à la fin de cette émission, ça me fait vraiment plaisir de vous avoir découvert. Donc merci à Renaud, Ben, Marie et Antonin, voilà les quatre qui se sont déplacés. Et on va remercier aussi les autres, hein, parce que même s'ils n'étaient pas là, on sent leur présence aussi. Merci Nanette pour les dates. Et puis Charles et Jérôme. Voilà, c'est important de citer tous les gens qui participent à l'aventure, donc l'aventure Turn Off qui dure depuis 2017 et qui va durer encore très longtemps. Et merci Alexa du coup pour l'enregistrement. Ouais. Et si vous avez l'occasion, allez écouter ce qu'il fait aussi. Lexa pas tout seul, c'est son groupe aussi. On l'a reçu ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel et c'est quelqu'un qui m'a vraiment bien marqué et en plus il avait fait des lives exceptionnels dans lesquels il disait des choses un peu et nous on savait pas du tout et puis c'est passé à des heures de grande audience mais en attendant bah c'est quelque chose de super. En tout cas c'est un gars génial et qu'on a eu l'occasion de recevoir ici dans l'émission Maurica. Et donc je voulais vous poser la question si c'était bien le même. Effectivement c'est bien lui. Donc c'est bien lui. Et c'est quelqu'un qui est exceptionnel, qui est formidable et qui revient dans l'émission quand il veut, hein, parce qu'il fait de la très bonne musique aussi. Et bah, s'il ne l'a pas entendu là, on lui passera le message. D'accord, il n'y a pas de souci. De toute façon, il connaît l'adresse, il sait comment contacter, donc il revient quand il veut, il n'y a pas de problème. Voilà, on arrive à la fin de cette émission, donc merci à vous, en tout cas, continuez à faire ce que vous faites, parce que c'est formidable. C'est vraiment bien d'avoir un groupe comme ça de bonne musique dans la région orléanaise. On espère se retrouver très bientôt à un concert ou vous revenez dans l'émission dans quelques temps. Hein, il n'y a pas de souci. L'un ou l'autre, nous, avec plaisir. Voilà. Avec grand plaisir. Donc, vous faites partie de la Mavericast Family. Vous connaissez l'adresse. Vous savez où vous garez tout ça pour venir dans l'émission. Donc, il n'y a pas de souci. Et puis, on va souhaiter donc aux auditeurs, j'espère qu'ils ont passé une bonne soirée. On va saluer notre ami Florent aussi qui fait les podcasts de l'émission et qui mettra sûrement le podcast très rapidement. Comme ça, pour les gens qui n'ont pas pu écouter l'émission, ils pourront l'écouter dans les jours suivant. On va remercier tous ceux qui sont intervenus, ceux qui ont écouté, même s'ils ne sont pas intervenus, ça c'est pas important non plus. Et puis même ceux qui ont écouté ne serait-ce que 10 minutes. Hein, voilà, c'est vrai qu'écouter une émission de 3 heures à la suite, il y a très peu de gens qui le font. Donc on sait très bien que la radio aujourd'hui c'est quelque chose qu'on allume et qu'on éteint. Et donc s'ils nous ont écouté un petit peu, s'ils ont eu envie d'écouter quelques minutes de plus, eh ben, c'est formidable. C'est ce qui compte le plus. On va leur souhaiter donc une bonne soirée, une bonne nuit, un bon week-end, une bonne semaine. Et on se retrouve vendredi prochain. Donc ici dans les studios Radio Arc-en-Ciel avec Mourad. Voilà, c'est notre ami Mourad qui est déjà venu à plusieurs reprises. Vous le connaissez, non? Pas du tout. Si vous aimez les beaux textes et les belles chansons françaises, ben Mourad, c'est il vous plaira en tout cas. Okay. Bon, voilà. Merci à vous. Merci à bientôt. Merci Radio Arc-en-Ciel. Et merci aux auditeurs. Voilà. On termine avec un morceau. On l'avait mis de côté tout à l'heure. On savait pas si on allait le passer. C'est No Pasaran. Et c'est Terrestrial. Voilà. Tu le dis beaucoup mieux que moi. C'est parti. Allez, à la semaine prochaine. Au revoir. Guimel sur Arc-en-Ciel Orléans.